Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittebe'e huda, thumme emme ba'd. Donc aujourd'hui on va commencer la lecture de la tentative de traduction d'une épître importante de l'érudit savant Ahmed ben Yahya al-Najmi rahimahullahu ta'ala. Donc c'est sa lettre adressée à Abdullah ibn Jibrin rahimahullah, la lettre de Cheikh Najmi rahimahullah intitulée Raddul Jawab ala man talaba minni adama tab'i al-kitab, renvoyer la réponse à celui qui me demanda de ne pas publier le livre. Donc celui qui demanda de ne pas publier le livre, c'est Ibn Jibrin. Il a demandé à Najmi de ne pas publier un livre. Et quel est ce livre? C'est Al-Mawrid Al-Adb Az-Zulal. Al-Mawrid Al-Adb Az-Zulal, où Cheikh Najmi, rahimahullah, Ahmed ben Yahya Al-Najmi, qui est parmi les maîtres de Cheikh Rabi' Al-Madkhali, l'éminent savant Rabi' Al-Madkhali, hafidahullah, wa rahimah. Donc là, Al-Mawrid Al-Adb Az-Zulal de Cheikh Najmi, il montra la da'wa, comment elle doit se faire. Il montra les principes de la da'wa salafi, de la da'wa qui doit s'inspirer de la da'wa de As-Salaf As-Salih. Il montra le bon chemin et il consacra quelques chapitres pour montrer quelques... méthodologie déviante qui ont dévié par rapport à cette prédication de As-Salaf Salih. Il a montré des manahij, des méthodologies qui ont dévié à notre époque, telles que Al-Manhaj de Al-Ikhwan et telles que Al-Manhaj de Al-Tablir. Donc ces sectes, notamment donc, qui sont Haditha, qui sont des sectes inventées récemment, c'est-à-dire dans le siècle que nous vivons, sont des sectes contemporaines, ce sont des sectes qui ont innové dans la da'wa. Ils ont innové. Or, la matière religieuse n'est pas objet d'innovation. N'est pas l'objet d'inventer des choses de nous-mêmes. La religion, elle est basée sur l'ittiba', sur l'ikhlas à Allah subhanahu wa ta'ala et à l'ittiba' vis-à-vis du messager alayhi salatu wa salam. Et et d'appliquer sa da'wa, hein, d'appliquer sa da'wa comme lui il prêchait, il nous a laissé donc tous les principes dont on a besoin pour faire la da'wa, hein. On n'a pas besoin de venir et de nous inspirer donc de la da'wa par exemple des kuffars ou donc de la da'wa d'un homme qui va donc théoriser et apporter des choses nouvelles. Non, donc on suit la da'wa du messager alayhi sallam, parce que ces choses sont tawqifiyya, hein? Comme disent les savants, manahij ad-da'wa tawqifiyya, la méthodologie de comment prêcher, c'est une chose qui est figée, il faut faire ça. Le prophète, il a commencé par exemple par at-tawhid, hein? Comment quelqu'un il va laisser at-tawhid, hein? Et il va s'intéresser à un aspect autre, alors que tous les messagers, ils ont commencé par le tawhid. Non pas seulement notre messager à nous, Mohammed alayhi sallam. Et nous sommes obligés de suivre notre messager. Que dire si c'est notre messager? Et les autres, ils ont fait la même chose. Comment un homme, il va venir, hein, donc au 15e siècle de l'Égypte, hein, au 21e siècle, au 20e siècle, hein, donc du calendrier chrétien, et il va... dire non, la da'wa, on ne va pas commencer par la aqida et par le tawhid et par ces choses, non, on va commencer par la politique, hein? Ou bien on va commencer par l'économie, hein? Donc c'est comme ça qu'ils trompent des gens. Ils disent nous on veut réformer l'économie, les gens donc ont besoin donc c'est-à-dire de ces aspects, hein? Les pays, les états sont des états pauvres, c'est ceci ou cela. Ou bien ils vont dire non, notre problème, il se situe au niveau donc des dirigeants et ainsi de suite. Hein? Donc cette vision, c'est une vision qui est caduque. C'est une vision qui n'est pas correcte. Parce que la meilleure vision, c'est celle, hein, c'est-à-dire que nous a laissé le messager alayhi salam. Et donc c'est Donc, de commencer par la croyance. Hein. Et tous les messagers, ils ont commencé par la croyance. Comme Cheikh Rabi' al-Madkhali, hafidhahullah, il l'avait montré dans un autre livre qui parle aussi de la da'wah. Comment faire la da'wah? Le livre qui est Manhaj al-Anbiya fi da'wah ila Allah. La méthodologie des prophètes dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? La méthodologie des prophètes dans l'appel. Et donc, le Cheikh Rabi' et Cheikh Najmi et les autres Mesheikh, Hafidhahumullah, et tel que Cheikh Fawzan aussi, ils ont parlé de cela longuement. Ils ont expliqué cela. Ils ont expliqué cela. Donc là, le Salafi, le Sunni, celui qui veut donc le salut, qui veut un najat, qui veut le salut, il va s'accrocher à la méthodologie de As-Salaf Salih. Qui sont les Salaf Salih? Salaf Salih, c'est le messager et ses compagnons. Est-ce qu'il peut venir un homme qui va apporter quelque chose de différent par rapport à As-Salaf Salih et il va prétendre que sa méthodologie à lui, elle est meilleure que As-Salaf Salih? Subhanallah. Rien qu'à penser au messager. Hein? Sans aller ajouter aussi donc, que c'était aussi donc la voix de ses compagnons. Donc là, personne ne peut apporter une chose donc meilleure que celle du messager alayhi salam. Hein? Donc là, le messager et donc ses compagnons, ils ont laissé une voie, une méthodologie, cette piste. C'est cette piste dans laquelle le musulman doit rentrer. Sinon, il sera sous la menace. Sinon, s'il va se frayer un chemin avec les partis ou avec les sectes, etc., il est sous la menace qui est donc prononcé donc et qui est déclaré dans le Coran al-Karim hein, qui est donc par exemple Allah Azza wa Jal il nous a interdit de se frayer un autre chemin hein, parce qu'il nous a dit subhanahu wa ta'ala wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin wallahi ma tawalla nusli jahannam wa sa'at masira. Là dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit hein, de délaisser le sentier du prophète alayhi salam et celui de al-mu'minin. Qui sont al-mu'minin ici dans ce verset? Les exégètes, al-mufassirun, ils ont dit c'est les compagnons. Hein, sabil al-mu'minin, c'est celui du salaf salih. Allah Azza wa Jal, il nous menace que celui qui va délaisser la voix du messager et des compagnons, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah va le délaisser. Donc, dans ce chemin, dans ce sentier qu'il s'est frayé et qu'il a choisi, hein, mais il va le punir, hein, il va le punir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de rentrer dans le chemin donc de as-salaf as-salih, hein, comme il le dit subhanahu wa ta'ala, hein, wattabi' sabila man anaba ilay, hein, qui est donc ces gens qui ont fait al-inab à Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train donc de révéler ces versets. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, c'est-à-dire donc as-salaf salih munibun ila Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ceux qui ont fait le repentir et ceux qui ont donc suivi le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque cette parole était en train de descendre, c'est eux qui sont concernés par cela. Donc nous sommes obligés de ce ittiba', de suivre salaf salih. Hein? Donc le musulman doit donc faire très attention que les sectes le dévient et le trompent, hein? En lui disant non, ces gens salafiyoun, ils ne veulent pas de tel aspect, ils laissent les fautes des gouverneurs, ils laissent cet aspect de la Ummah. Non, nous donc on suit les prophètes, on suit les prophètes. Tout ce que le prophète il nous a enseigné, on le fait. Ce que le prophète n'a pas apporté, on ne le fait pas. Hein? On ne le fait pas. Donc on suit la méthodologie de As-Salaf Salih. Encore faut-il l'apprendre, connaître cette méthodologie et donc la pratiquer. Hein? La pratiquer avec le proche et avec le lointain. Avec le musulman et avec le mécréant. Dans nos foyers et donc dans l'extérieur. À l'échelle de l'individu et à l'échelle sociale, à l'échelle donc comment donc se comporter dans la société. Donc là, le musulman doit suivre cette méthodologie de As-Salaf Salih. Et donc Cheikh Najmi, pour qu'on ne digresse pas beaucoup, etc. Donc on va revenir à l'épître de Cheikh Najmi et on va voir quels sont les enseignements. Parce que lorsque Cheikh Nejmi, par exemple, il va nous relever 25 erreurs manifestes dans cette voie, nous allons apprendre 25 choses que nous devons éviter, au moins. 25 choses qui sont donc dans les fondements. Nous devons les éviter. Et comme on dit, min al-khata' nata'allamu as-sawab. Hein? À partir de l'erreur et à partir de la fausse, on peut apprendre la, donc, aussi la chose qui est juste, hein? Et la vérité. Donc là, il était en train de signaler des fondements dans lesquels Hassan al-Banna, hein, il a transgressé. Ce fondateur du groupe de l'Ikhwan Muslimoun, donc en 1928, hein, précisément où il a bâti ce parti officiellement, hein, où donc il y avait dans son comité de constitution déjà 4 chrétiens à l'époque, hein, que dire maintenant, hein, en 2017, en 1928, il y avait déjà 4 chrétiens qui vont s'asseoir à table avec Hassan al-Banna. Ils vont réfléchir comment on va composer notre parti, quelles sont les choses sur lesquelles on va insister, qu'est-ce qu'on va faire de ce parti, etc. Déjà, il y avait avec lui, dans ce comité de constitution, il y avait déjà 4 chrétiens, hein, et que les savants connaissent par leur nom, ils les citent, Cheikh Ubayd, Hafidhahullah Ta'ala, parfois, il les cite, je l'ai entendu, les citer par leur nom, hein, par leur nom, Hafidhahullah, Cheikh Ubayd. Donc là, dans cette méthodologie de Hassan al-Banna, Cheikh Najmi va indiquer, voici pourquoi on critique al-Banna. Hein? Et donc là, c'est objet de la science. Hein? La critique fait partie de la science. Hein? Fait partie de la science. Donc là, lorsque vous signalez un défaut ou une erreur, même dans les choses donc, terrestres, mondaines, donc les gens ils vont te remercier, ils vont te dire, oui, c'est bien de nous avoir mentionner cela pour qu'on évite et pour qu'on améliore le produit, etc. Que dire dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque vous montrez, hein, donc une erreur, une déviance par rapport à la religion telle qu'elle doit être pratiquée, hein? Une erreur chez quelqu'un qui était en train d'enseigner un manhaj batil, hein, c'est-à-dire une voie erronée, une voie fausse et erronée. Donc, qui n'est pas basé sur Manhaj As-Salaf As-Salih. Donc là, ce groupe de As-Salaf As-Salih, on doit le suivre, hein? Ni plus ni moins. On doit rentrer dans cela. Et on doit, chaque fois qu'on veut faire quelque chose, هَلَّنَا فِيهَا سَلَف. Est-ce que As-Salaf As-Salih, notre As-Salaf As-Salih, nos plus prédécesseurs, hein? Nabi wa ashabu, est-ce qu'ils ont fait comme ça? Est-ce qu'ils ont pratiqué l'ibada comme ça? Est-ce qu'ils ont pratiqué la prédication comme ça? Est-ce qu'ils se sont intéressés à ces choses, hein? Ou bien donc on doit les éviter, on ne doit pas nous interroger sur ces aspects, on doit focaliser sur ce qui, c'est-à-dire sur nos devoirs, ce que nous devons. On ne doit pas donc, le musulman il va s'intéresser à n'importe quel aspect. Chaque chose qu'il voit, il va la commenter. Hein? Et chaque chose donc, sur laquelle il est interrogé, il va répondre et ainsi de suite, et va suivre, etc. Non, le musulman il doit focaliser sur la méthodologie de As-Salaf Salih. Hein? Ce que As-Salaf Salih ils ont fait, nous le faisons. Ce qu'ils ont laissé de côté, nous on ne le fait pas. Hein? On le néglige. On s'intéresse à notre As-Salaf Salih. Et donc notre izza et notre force et notre fierté ne peut avoir lieu et se concrétiser qu'en suivant, hein, cette méthodologie de As-Salaf Salih, qu'en suivant notre messager et les pieux prédécesseurs. Très bien, donc là, comme j'ai dit, pour ne pas beaucoup digresser, parce que ça, vraiment, c'est un sujet qui est très, très grand. Hein? C'est un sujet qui est très grand, et donc, il y a beaucoup de livres qui parlent de la méthodologie de Al-Manhaj, hein, de la méthodologie, de la voie, etc. Et donc là, toutes ces choses, donc nous sommes censés, hein, au moins maîtriser cette voie de As-Salaf Salih pour ne pas être trompés par ces groupes inventés, les jama'at al-muhdatha. Nous, on doit nous attacher à la al-jama'a de base, au groupe de base qui a été fondée avec le, donc par le prophète lui-même, on doit s'attacher à cela. Et ne pas suivre un groupe inventé. Quelqu'un, il vient, il va appeler son groupe Al-Ikhwan Al-Muslimoun. Nous, on dit, nous, on fait partie de Salaf Saleh. Pourquoi on va rentrer dans, donc chez vous, dans votre secte, ou dans votre groupe, ou dans votre maqar, hein, dans votre siège de parti? Nous, on est donc avec les musulmans, on vit avec les musulmans. On suit la méthodologie du Salaf Saleh. Pourquoi vous, vous allez fonder ce parti sur le modèle des partis qui sont dans l'Occident? Hein? Vous suivez le prophète ou bien vous suivez l'Occident? On doit suivre le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète ne nous a pas laissé les partis. On ne rentre pas dans les partis. Hein? On ne rentre pas dans ces groupes inventés. Hein? Quelqu'un d'autre, en Inde, Mohamed Ilyas al-Kandahlaoui, il a fondé un autre modèle. Hein? Un autre modèle, Jama'at al-Tablir, fondé sur le sophisme et sur les bida'. Hein? Et donc, on ne doit pas rentrer dans ces choses. Nous, on suit Salaf Saleh. Parce que, donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé le Coran ou le Sunnah et nous a clarifié le sentier dans lequel nous devons marcher et aller. Hein? Et non pas qu'il nous a donné donc, les adorations, etc. Il ne nous a pas clarifié le sentier. Mais si, il nous a clarifié le sentier, Al-Manhaj, la voie. Hein, la voie à suivre. Et c'est la voie de Salaf Saleh. On doit les suivre. On doit les suivre, ce qu'ils ont fait. On le fait, ce qu'ils n'ont pas fait, on ne le fait pas. Et donc, on ne le fait pas. Hein? Très bien. Donc, de toute façon, je vais donc lire dans l'épître de Cheikh Najmi, rahimahullah ta'ala, wa jazahu anna khayran. Hein? Wallahi, s'il n'y avait pas ces savants qui nous montrent, c'est-à-dire ces choses, hein, on serait trompé par ces gens, parce qu'ils ont des choubouhats. Parce qu'ils ont des choubouhats, ils ont des ambiguïtés. Ils ont des ambiguïtés. Et maintenant, dans les médias et dans les sites, etc., leurs adeptes, les adeptes de ces jama'at et de ces partis, ils propagent ces ambiguïtés. Et ils essaient de tromper le musulman. Le musulman doit bien connaître la méthodologie de As-Salaf Saleh et ne pas regarder dans ces ambiguïtés. Hein? Ne pas regarder dans ces ambiguïtés, parce que ces ambiguïtés sont en principe réfutées par les savants ou par des tolèb ilm forts. Talib ilm qawi, qui peut réfuter l'égarement. Hein? Mais nous, qu'est-ce qu'on doit? On doit être avec les savants, donc c'est le fion. Les savants qui vont nous clarifier en quoi ces choses que cet homme, par exemple, il était en train de parler, sont des choses fausses. Et il y avait des égarements et des points donc à critiquer dans sa méthodologie et dans sa voie. Très bien, on va commencer. Et donc on commence par le basmala. Cheikh rahimahullah, il a commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et il a dit de Ahmed ben Yahya al-Najmi, au frère en Allah, qu'il aime en Allah, l'ex-membre du bureau de l'IFSA, l'honorable Cheikh Abdullah ben Abd al-Rahman ben Jibrin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Cheikh Najmi adresse le salam à Cheikh Ben Jibrin, rahimahumullah ta'ala. Ceci dit, amma ba'd, j'avais reçu votre noble message. Hein, parce que donc, Ben Jibrin a envoyé un message à Cheikh Al-Allama Al-Najmi. Il lui a dit, non, donc le résumé de ce message, ne publie pas ce livre qui est le Mawrid Al-Zulal. Pourquoi? Parce que vous critiquez dans ce Mawrid, vous critiquez au chapitre 9, vous critiquez Hassan al-Banna. Donc là, le cheikh, il y a même donc dans ce livre, il y a donc la page adressée par Ben Jibrin. Il y a la page adressée par Ben Jibrin, la lettre où il y a ces choses que le cheikh il va réfuter. Il va les critiquer. D'accord? Il a dit, rahimahullah, j'avais reçu votre noble message datant du 11e du mois 4 de l'an 1418. Hein? D'accord? Vous voyez? Donc 1418 de l'Hégire. Donc cette affaire remonte à 1418 de l'Hégire. D'accord? 1400 de l'Hégire. Maintenant, nous, on est en 1438 de l'Hégire. Vous voyez? Donc là, datant. Hein? Donc, du 11e du mois 4 en l'an 1418, hein, et qui était joint à votre précieux cadeau, que sont vos œuvres valeureuses. Parce qu'il lui a envoyé la lettre, et avec cette lettre, vous trouvez aussi ce que j'ai écrit jadis comme livre. Ce que j'ai écrit comme livre, voici mes mu'allafat, voici mes ouvrages, voici mes œuvres. Le cheikh, il le remercie de lui avoir fait ce cadeau, c'est-à-dire qui sont ses livres. Hein? Qu'Allah vous en récompense, hein? Qu'Allah vous bénisse, qu'il nous guide ainsi que vous, et qu'il nous protège contre le mal de nos propres âmes. Hein? Et si je vous remercie pour le présent, c'est-à-dire pour le cadeau, hein, je vous remercie également pour le conseil, ainsi que pour la franchise, si elle était à sa place. Donc il le remercie, lui dit, je vous remercie pour le cadeau. Et je vous remercie aussi pour le conseil, mais si c'était un conseil à sa place, je vais le prendre et je vais l'appliquer. Mais il s'avère, comme vous allez voir, que ce n'est pas un conseil qui est fondé. Hein, ou que c'est un conseil où il y a donc... le cheikh, il s'est trompé en réalité. Ibn Jibrin, il s'est trompé dans ce message. Il s'est trompé aussi en suivant ses ikhwan à la fin de sa vie. Hein? À la fin de sa vie. D'accord? Très bien. Parce que cheikh Najmi, après cette affaire, etc., par la suite, cheikh Najmi, rahimahullah, il va dire non, ça c'est un ikhwan. Il a dit une fois, cheikh Najmi, rahimahullah, Ben Jibrin, Abdullah Ben Jibrin, Ikhwani. Hein, il l'a répété par trois fois. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu sortir de ce parti de l'Ikhwan Muslimin. Et c'est avéré que lui, hein, comme maintenant donc, des gens qui vont regagner ce groupe, que lui, Ben Jibrin, il est tombé dans les pièges de ce parti de l'Ikhwan Muslimin. Et ce n'est pas seulement Ben Jibrin, il y a beaucoup d'autres prédicateurs qui apparaissent sur les chaînes paraboliques, ou bien qui ont donc une da'wa sur le net, ou sur les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Il s'agit de se méfier. Il s'agit, lorsque vous recevez un livre, ou bien une page, ou bien un audio, etc., il s'agit de savoir, est-ce que ce savant, il est salafi, hein? Est-ce qu'il est sunni, ou bien moi, je vais écouter un bid'i, hein? Il s'agit de se poser cette question avant d'écouter cet audio ou bien avant de lire, hein, n'importe quelle page, hein. Il s'agit de savoir, est-ce que celui que pour lequel je veux donc lire, hein, est-ce que c'est un savant sunni ou non, hein, est-ce que c'est un sunni ou bien est-ce que c'est un bid'i, hein, comme avait dit Mohamed ibn Sirin, qui est parmi les savants des tabi'in. Cette science est une religion. Ce que nous sommes en train d'apprendre, c'est une religion. Il faut regarder de qui on l'apprend. Est-ce qu'on va donc l'apprendre de n'importe qui? Non, on doit l'apprendre des savants. On doit être avec les savants. Nous, on est très petits. On doit prendre de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Al-Uthaymin, de Cheikh Al-Albani, de Cheikh Fawzan, de Cheikh Al-Najmi, de Cheikh Rabi', de Cheikh Maqbil. Hein, le Cheikh le Haydan, hein, et ainsi de leurs élèves et de leurs frères et des savants qui sont célèbres. Donc lui il a dit, hein, et également je vous remercie également pour le conseil ainsi que pour la franchise si elle était à sa place, car en vérité le musulman se doit d'accepter le conseil, hein. Et le musulman doit accepter le conseil s'il est à sa place. Se doit d'accepter le conseil s'il est judicieux, ou bien de montrer au conseiller si son message contenait une erreur de compréhension ou un écart dans l'expression. D'accord? Ou bien tu acceptes le conseil si ton frère te donne un conseil, ou bien tu l'acceptes, tu dis oui. Jazakallahu khayran. Hakada yata'amal muslim. Jazakallahu khayran ala nasiha. Ou bien tu dis non, cette nasiha n'est pas à sa place. S'il y a une chose qui ne va pas dans cette nasiha, dans ce conseil. Sinon, hein, ad-dinu nasiha, comme avait dit le prophète, alayhi sallam. Ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, comme dans le hadith de Tamim ad-Dari, hein, radiallahu anhu. Très bien. Donc là, Il a dit aussi, je vous demanderai donc à l'avance de me pardonner. S'il y aurait dans cette discussion une certaine franchise, parce que le cheikh, il va dire les choses telles qu'il donc, il croit. Il va dire, voici, en toute franchise, vous avez écrit une chose, franchement, ne publie pas ce livre, moi aussi je vais dire ce que j'ai. Hein? De me pardonner à l'avance, hein? C'est-à-dire, s'il y aurait dans cette discussion une certaine franchise qui pourrait être interprétée comme contenant ce qui blesse les sentiments. D'accord? Mais nous, ici, on doit suivre l'adilla, on doit suivre les preuves, et ne pas donc suivre les passions. Ou bien dire, non, ceci ou cela, etc. Hein? Ça blesse les gens, ça c'est... Non, nous, on suit l'adilla. On suit l'adilla. Et l'adilla, la vérité, ne blesse que ceux qui sont malades. La vérité doit faire plaisir aux croyants. Et le croyant, il se cramponne à la vérité. Il a dit, rahimahullah, à Cheikh Najmi, je dirais donc, tu avais dit dans ta lettre, votre livre intitulé Al-Mawrid al-Adb al-Zulal. Hein? Ce titre alléchant m'avait plu. C'est Ibn Jibrin qui avait dit cela. Jusqu'à ce que vous dites, Ibn Jibrin il dit, or, quand je parvins au 9e chapitre, le chapitre numéro 9, hein, j'avais trouvé ce à quoi je ne m'attendais pas de votre part. Le chapitre où il critique la méthodologie de l'Ikhwan al-Muslimoun, hein, et de leur fondateur qui est Hassan al-Banna. Je réponds, cher Najmi, votre lettre m'avait fait du chagrin. Hein, votre lettre aussi m'avait fait du chagrin. Que ceci émane de quelqu'un comme vous, hein, de par son savoir et son statut. C'est-à-dire que cela émane d'un savant, qu'un savant, il n'aime pas qu'on critique un parti qui est inventé. Cela fait du chagrin aux musulmans. Hein? Parce que maintenant, les Hizbis, etc., ils vont dire, Ibn Jibrin, il nous a soutenus, Ibn Jibrin, il a fait notre éloge, il a dit, non, il ne faut pas critiquer le Benna. Ça fait du chagrin pour le musulman. C'est pourquoi les savants, ils ont réfuté cela. Adabatil, ils l'ont réfuté. Raddu alayhi, ils ont réfuté, ils ont dit, et comme avait dit Mohamed bin Hadi, Hafidahullah, qui est un savant. Mohamed bin Hadi al-Madkhali, Hafidahullah. Abu Anas, kunyatuhu Abu Anas, il a dit, et voici Ibn Jibrin, nous l'avons réfuté. Quand il a dit donc une parole qui est fausse, on l'a réfuté. Hein? Il a dit, wa hada Ibn Jibrin, radadna alayh. Hein? Lorsque donc il y a quelqu'un qui a digressé par rapport à cette voie, parce que l'islam c'est une religion qui n'a pas été falsifiée. Elle nous est parvenue intacte, on doit la transmettre intacte à l'autre génération. On ne doit pas la mélanger et la confondre comme les autres religions. Ça, c'est une responsabilité. C'est une grande responsabilité sur la communauté, sur nous, sur notre umma. Hein? Comme on l'a reçue pure, on doit la transmettre pure. On ne doit pas, donc, pour faire plaisir à quelqu'un, on va dire, non, on ne va pas faire ceci ou cela, on ne va pas critiquer ceci ou cela, etc. Non, on doit clarifier le haq. Voici le haq. Voici la vérité. Hein? Donc là... Donc le cheikh, hafidahullah ta'ala, rahimahullah ta'ala, il a fait le devoir des savants. Allah, il a pris, comme le cheikh il va le dire, Allah, il a pris donc l'engagement des savants qu'ils doivent montrer la vérité. Ils ne doivent pas la cacher. Ils ne doivent pas la cacher ou dire, non, puisque oui, lui aussi c'est un savant, je ne vais pas donc lui écrire ces choses. Non, il a montré, il a publié. Hein? Quand toi tu publies et tu dis que ceci donc ne doit pas être publié, moi aussi je publie. D'accord ? Donc il a dit, je réponds donc, votre lettre m'avait fait du chagrin, que ceci émane de quelqu'un comme vous, de par son savoir et son statut. Donc cela, il y a donc une leçon pour nous, il y a une leçon pour nous, en cette parole, que si par exemple Ben Jibrin il s'est égaré, que dire de nous ? Nous, on doit faire très attention. Parce que voici un homme qui a détenu de la science et les Ikhwan, ils l'ont trompé. Ils l'ont trompé en réalité. Comme le Cheikh, il va le dire. Il a dit, ils t'ont trompé. Khada'ouka. Khada'ouka. Hein? Ils t'ont trompé, il va le dire. Je vais vous le dire dans cette séance aujourd'hui, Inch'Allah. Donc là, si quelqu'un qui avait de la science et il a été trompé, que dire de nous? On doit nous écarter de Ashubuhat. Le manhaj de As-Salaf Saleh, c'est que tu ne dois pas aller donc chercher les Shubuhat. Ou bien aller t'exposer aux Shubuhat, t'exposer aux paroles donc de n'importe qui. Maintenant, il y a des malahida, il y a des kuffars, il y a des gens qui publient sur Facebook, sur des réseaux sociaux, sur YouTube, sur des sites, donc dans des chaînes paraboliques, ils disent des choses, on écoute n'importe quoi. Non, je peux donc pas écouter ces choses. Hein? C'est sens que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné, m'a octroyé, tel que l'a vu, tel que lui, etc. Allah Azza wa Jalla va me poser la question. Hein? ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله عز وجل va nous interroger au sujet de السمع, de البصر, de la vue et de الفؤاد, de القلب. Va nous poser la question. Comment nous on va exposer nos oreilles à écouter n'importe qui ou à regarder n'importe quoi sur YouTube ou autre, ou bien à donc laisser notre cœur travailler avec une choubha. Pourquoi? Tu es à l'abri de cela, tu es loin de cela. Accroche-toi à la vérité et donc délaisse les choubouhats. Éloigne-toi des choubouhats. Lorsque le prophète il a annoncé que donc Ad-Dajjal il va sortir, qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a donné une voix, un fondement ici, un asl. C'est que lorsque tu entends une choubha ou une chose, tu t'écartes, tu t'éloignes. Non pas que tu vas la chercher, essayer de la comprendre, etc. Parce que si tu vas donc ouvrir ton cœur pour la recevoir et pour essayer de la comprendre, peut-être que tu ne vas pas savoir comment la dégager. Hein? Comment la dégager? Tu ne vas pas savoir. Tu dois aller vers un savant. Maintenant, pour aller chez un savant ou pour contacter un savant, pour le trouver disponible, etc., peut-être que le musulman ne sera pas, donc on n'aura pas cela, cette possibilité de faire cela. Hein? Donc là, toi, tu es à l'abri. Tu ne dois pas rentrer dans les choubouhats. Tu dois t'accrocher, alhamdoulilah, tu as des savants. Il y a donc le khair, il y a donc le bien. Tu vas t'accrocher au bien. Tu vas t'accrocher au bien et tu vas travailler avec ce bien. Tu vas prendre de Ibn Baz, une source fiable. Tu vas prendre de l'Uthaymin, de l'Albani, de Al-Fawzan, de Al-Jami, de Al-Najmi, de Muqbil, de grands savants. Si tu vas donc t'occuper et donc de leurs livres et de leurs audits, ça va te suffire largement, toi et toute ta famille et la génération que tu vas engendrer. Hein? Donc vous n'aurez besoin donc de rien donc lorsque vous allez travailler avec les œuvres de ces gens, hein, de ces grands savants. Donc là, le cheikh, rahimahullah ta'ala, hein, il lui a dit, j'aurais aimé que tu aies continué la lecture. Hein, parce que qu'est-ce qu'il lui a dit, Ibn Jibrin, comme on va voir? Il lui a dit, lorsque je suis arrivé à ce 9e chapitre et que j'ai trouvé que tu étais en train de critiquer tel homme, j'ai arrêté la lecture. Pourquoi arrêter la lecture? Toi, tu es un savant. Tu es capable de lire et de donc répondre à la chose. Si tu n'es pas d'accord, tu vas dire voilà comment je ne suis pas d'accord sur tel aspect. Toi, tu es un savant. Hein? Le cheikh lui a dit, j'aurais aimé que tu aies continué la lecture afin que tu saches, hein, si ce que j'y avais consigné était vrai ou faux. Hein? J'aurais aimé que tu continues la lecture pour me dire est-ce que ce que j'ai écrit dans le chapitre 9 c'est vrai ou faux. D'accord? Alors, si c'était une vérité, tu devrais la soutenir. Le musulman doit soutenir la vérité. Ah, sinon, hadari wa hadari. Hein? C'est-à-dire, si le musulman ne veut pas soutenir la vérité, il doit yani yakhzul. Hein? C'est-à-dire, il va délaisser ses frères et délaisser la vérité, et lui il va renforcer le rang de al-batil même par le silence, hein, par le silence, comme donc il y a dans une parole, as-sakitu 'anil haqq shaytanun akhras wa an-natiqu bil batil shaytanun natiq. D'accord? Celui qui va se taire face à la vérité, il ne va pas dire la vérité. Il va la taire. Ça, c'est un shaytan, ça, c'est un diable qui ne parle pas. C'est un shaytan akhras, hein, qui est muet. Alors que celui qui est en train de dire le batil, de dire la faussée, ça, c'est un diable, mais qui n'est pas muet. Ça, c'est un diable qui parle. Hein? Donc, faites attention à ces choses. Donc, le musulman doit décortiquer cette ma'aqida de As-Salaf Salih. Et cette méthodologie de As-Salaf Salih, il doit s'imprégner de l'aqida de Salafihi Salih. C'est la aqida de ton Salaf. Tu dois la décortiquer et la comprendre. Donc, calmement, tranquillement. On n'est pas pressé. Tu dois décortiquer ces choses et les comprendre. Et ça, c'est un fondement. Je le mets dans mon cœur. Hein? Ça, c'est une qaïda de As-Salaf Salih. Je la mets dans mon cœur. Ça, c'est une chose que je n'ai pas encore comprise. Je suis en train de l'étudier. Je suis en train de chercher. Je suis en train de demander aux gens de science. Je suis en train de chercher. Mais non pas suivre des choses, hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, la taqfu ma laysa laka bi ilm. Ne suis pas une chose que tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Donc cette voie, est-ce qu'elle va mener ou bien est-ce que c'est une impasse, hein? Comme ces gens qui ont fait rentrer donc des peuples dans l'impasse, comme ils ont fait rentrer la Syrie dans l'impasse, dans une impasse. Ils les ont dit, sortez, sortez dans les manifestations, etc. Nous, on est sûr que ça, c'est la vérité. Et qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Eux, ils sont dans leur ville, là, et donc sur Adnan Ar'our, et sur le Qarni, et donc sur l'Aouda, et ces gens qui ont invité à ces gens, Mohamed Hassan, et l'Houaymi, et ces gens. Hein? L'Houaymi, par exemple, il s'est tué, il a dit, moi, je ne parle pas de ces choses. Hada Shaytan Akhras. Hein? Hada Shaytan Akhras. As-Sakis An-Haq, Shaytan Akhras. Hein? Quand, moi, je ne dis pas cette parole à propos de l'Houaini de moi-même. Hein? Parce que j'ai écouté les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit de cet homme? J'ai un livre de 900 pages où un savant, il était en train de lui détailler les fondements de As-Salaf Salih. Abu Abdel A'la Khalid bin Uthman al-Misri, hafidhahullah. Il lui a détaillé ces choses, lui a dit, réponds. Il lui a envoyé d'abord le livre en une nasiha secrète. Avec un talib, il a refusé de répondre. Et donc le cheikh lui a dit, moi je bara asan lidimma, pour donc clarifier la chose à la communauté, je vais publier mon livre. Toi tu ne veux pas répondre, tu veux suivre le parti des frères musulmans. Moi je vais montrer ta voix aux gens. Et voici donc, et le cheikh il avait dit aussi, donc à maintes reprises il avait dit que ces gens ils sont dans l'égarement. Ils sont dans l'égarement. Hein, ils sont dans l'égarement, puisqu'ils voient le sang, ils voient les cadavres, ils voient la destruction qui est faite dans la Ummah, et eux, ils continuent à appeler à ces choses. Comme il a dit une fois, il a dit, Cheikh Abu Abdel A'la lui-même, il a dit, يعني هذه هي القلوب اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني قلوب الشياطين في جسم الإنس. C'est-à-dire qu'ils ont des cœurs de diable dans le corps de quelqu'un que tu vois, c'est un humain. Il voit toute une communauté qui est en train d'être tuée, massacrée, donc on la bombarde, etc. Et lui, il sort, il dit, moi je suis toujours sur le vrai. Oui, ce que je vous ai dit de sortir, etc., c'est bien, c'est une vérité. Hein? Ça c'est un mensonge. Les savants n'ont jamais appelé aux manifestations. Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Fawzan, Cheikh Mouvet, etc. Même les savants, ils ont dit, même dans les pays mécréants, tu ne fais pas ces choses. Même si eux, ils acceptent cela dans leur constitution, on ne fait pas ces choses. Même si, par exemple, dans les constitutions de certains gouverneurs musulmans, il y a haqq al-idrab, il y a haqq al-i'tisam, il y a haqq ceci ou cela, le droit de manifester, le droit de ceci et de cela, parce que les koufars, ils ont imposé ces choses, hein, manhajahum, ils ont imposé ces choses dans les constitutions des musulmans, hein, nous, on ne fait pas cette chose, parce que nous, on est musulmans. Nous, donc notre manhaj, c'est le Coran et le Sunnah. D'accord? Donc nous, on doit nous accrocher à cela. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, des gens de science, ils ont été trompés. Hein? Des douettes et des savants, ils ont été trompés. Ils vont suivre une voie autre que celle de As-Salaf Salih. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Quelqu'un délaisse la voie de As-Salaf Salih, il va suivre une voie autre. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Délaisser la voie de Mohammed alayhi salam, et de Abu Bakr, et de Omar, et de Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, et donc de Uthman, de Ali, etc., de Aïssa, de Hafsa, de Ummahat al-Mu'minin, hein, et suivre la voie de Hassan al-Banna. Qui est Hassan al-Banna? On va voir qui est Hassan al-Banna. Hein, on va voir qui est Hassan al-Banna. Qu'est-ce qu'il pensait et qu'est-ce qu'il faisait? On va le voir dans cette risale bi-idnillah. Et le détail se trouve dans le Mawrid al-Adoub al-Zulal. Le détail, si Allah Azza wa Jal nous facilite aussi, on va, inshallah ta'ala, donc organiser peut-être donc des choses sur Al-Mawrid al-Adoub al-Zulal, qui est un livre, hein, où il y a le détail de ces choses. Très bien, donc là le cheikh il a dit, alors si c'était une vérité, si ce que j'ai écrit dans le 9e chapitre était une vérité, tu dois la soutenir. Hein? Tu devrais la soutenir. C'est un devoir, une obligation venant d'Allah subhanahu wa ta'ala de soutenir la vérité. Hein? Te conformant à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein? Le prophète de la bonne guidée, hein? Nabiyul Huda, hein? Et le messager de la miséricorde, Rasoul al-Rahma, qui avait dit, secours ton frère, s'il commet un tort ou s'il en subit. Ansur akhaka zaliman aw mazluman. Le compagnon demanda, je le secours s'il subit un tort. Ansurhu mazluman. Je secours mon frère s'il est mazloum. S'il subit un tort, si on lui fait une injustice, je vais le secourir. Mais comment, ô messager d'Allah, comment je vais le soutenir s'il est zalim? Si c'est lui qui est en train de faire donc la faute, comment je vais le soutenir? Hein? Comment donc s'il commet une injustice? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué, il a dit, en lui interdisant de commettre cette injustice. Un tahjouzahu ani dhulm. De lui interdire, tamna'u. C'est ça le sens de ansur akhaka zaliman aw mazlouma. D'accord, tahjouzahu, tamna'u ani dhulm. Ton frère, tu ne laisses pas faire la faute ou l'erreur. Hein? Très bien. Il a dit, le cheikh, rahimahullahu ta'ala, et si ce que j'avais écrit était faux, tu devrais me soutenir en me montrant le vrai. Faut détailler. Non pas, tu m'écris une page, ne publie pas le livre. Parce que c'était Hassan al-Banna, etc. Et alors? Hein? Et alors? Hein? Vos théoriciens, ils ont critiqué des sahaba, ils ont critiqué des anbiya, iyadan billah. Quand il a critiqué, non pas qu'il était en train de critiquer une critique fondée, il était en train d'insulter. Hein? Il a dénigré un messager, il a dénigré le messager Moïse, alayhi salam, Moussa, alayhi salam. Hein? C'est trop, il a dénigré, il a méprisé. Hein? Il a méprisé le Kalimullah. Donc, qui est Moïse, Moussa alayhi salam. Et il a dit des choses à propos de Uthman, il a dit des choses à propos de Muawiyah, il a dit des choses à propos de la communauté musulmane, etc. Hein? Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Et lorsque des gens viennent et les critiquent à partir de ce qu'ils ont dans leur livre, ces gens, ils vont donc venir les soutenir dans le batil, ils vont dire, non, ne les critiquez pas. Ça c'est Al-Banna, ça c'est Qutb. Hein? Ils ont fait toute une hela, c'est-à-dire ils ont tout un halo, ce qu'on appelle un halo, c'est-à-dire que telle personne, tu ne dois pas la toucher, tu ne dois pas la critiquer. Mais qui était-ce? Ça, c'était un ignorant en réalité, c'était pas un alim, c'était pas un homme de science, c'était un théoricien, un sahafi, un katib. C'était pas un homme de science. Il y a une différence entre l'ulama ou le sahafiyin. Il y a une différence entre l'ulama ou le mufakirin. Le musulman doit faire cette ligne, il doit tracer cette ligne, elle doit être claire. Que lui, il est avec les savants, non pas avec les sahafiyin, non pas avec les journalistes. Il ne doit pas être avec les journalistes ou avec les mufakirin, ceux qui s'appellent des mufakirin. Non, le musulman, il est avec la science, avec les savants. Le musulman, il aime les savants, il respecte les savants. Hein? Rahimahullah, il est avec les savants parce que c'est... comme avait dit un homme de science, s'il n'y avait pas les savants, les hommes auraient été comme des bêtes. Laoula al-ulama la kan an-nas mithl al-baha'im. Wallahi laoula al-ulama la kan an-nas mithl al-baha'im. S'il n'y avait pas les savants, les hommes auraient été comme les bêtes. Parce que qu'est-ce qui nous distingue par rapport aux bêtes? C'est cette religion et sa bonne compréhension, hein, et donc de vrai avec science et avec des preuves, et non pas donc regardez rien que ces manifestations. Est-ce que ce n'est pas un comportement barbare qui fait que les musulmans s'entretuent et donc se perdent et l'Occident il est en train de rire, hein? Il est en train de rire, hein? Shemet ça, yeshmet fin al adou. L'ado, il est en train de se moquer de nous, il est en train de dire, voilà, ils sont en train de s'entretuer et de se massacrer les uns les autres. Hein? Wallah al-musta'an. Donc là, le cheikh, il a dit, et si ce que j'avais écrit était faux, tu devrais me soutenir en me montrant le vrai, avec ses arguments et preuves. Je suis prêt à l'accepter. Je suis prêt à accepter, si tu vas me montrer les choses avec des preuves. Je suis prêt à les accepter, à t'en remercier et à invoquer pour toi, et à invoquer pour toi. Car ainsi tu m'aurais libéré d'un péché et d'un abus que je faillis perpétrer, à condition que ta critique soit détaillée avec des preuves limpides et des arguments tranchants démontrant mon erreur. C'est-à-dire, le cheikh, il est en train de lui dire, si tu m'avais montré que j'avais commis une erreur dans mon livre le Mawlid, en me donnant des preuves, je vais m'arrêter. Et je ne vais pas publier mon livre. Et je vais te remercier, je vais invoquer pour toi. Mais toi, tu viens, tu m'écris une page, hein, tu m'écris une page, voici la page, je vous la montre. Hein. Donc, tu m'écris une page et tu me dis, hein, c'est cette page, hein, wa ba'd assalamu alaykoum wa rahmatoullahi wa maghfiratou wa mardatou wa azka wa ashraf tahiyati wa ba'd su'aluna an wa ba'd su'aluna an ahwalikum ja'ala Allahu ahwalan salima etc. Voici la parole de Ibn Jabri. C'est à peu près une page. C'est à peu près, c'est même pas une page avec cette 10 pages qui est là, ça ne compte pas. Hein? Donc là, c'est une page. Tu viens avec une page et tu me dis ne publie pas ton livre. Hein? Sans me donner d'arguments. Sans rien, là, il ne convient pas. Quelqu'un, il a composé un livre avec un jeu et un effort et tu viens lui dire, non, ne publie pas le livre. Hein? Cela ne convient pas. Alors que cet homme, Ahmed bin Yahya al-Najmi, c'était un savant. C'était le mufti donc, du sud d'Arabie Saoudite. C'était un mufti pour l'Arabie Saoudite, pour l'état de l'Arabie Saoudite, harasah Allah, hein? C'était un mufti. C'est-à-dire, lorsque donc le Sud, ils avaient une question, ils envoient à Ahmed Najmi, ils n'envoient pas à Ibn Baz. Parce que Ibn Baz, lui-même, il avait dit, là-bas, vous avez un mufti, ne m'envoyez pas, vous envoyez directement à Cheikh Ahmed. Hein? Vous avez un mufti. Donc là, c'était un savant, il a déployé un effort, il a composé un livre. Donc quelqu'un vient lui dire, non, ce livre, on ne le publie pas. Hein? Il doit montrer la preuve, pourquoi on ne publie pas le livre. Très bien. Très bien, donc là il a dit, cependant que tu en arrives au 9e chapitre, hein, tu en délaisses la lecture et tu me harcèles de la sorte, sans preuve, ceci je ne l'accepte pas de ta part et je ne suis pas d'accord avec toi sur un tel comportement. Le cheikh lui dit, donc je ne suis pas d'accord avec toi, tu viens sans preuve me dire, ne publie pas ce livre. Tu dois me dire pourquoi? Avec des preuves de le Coran ou la Sunna. Quant à ton commentaire, d'accord, que le titre t'avait fait plaisir et que tu avais décidé de le lire en entier, et voici ton texte. Hein, Ben Jibrin, je le cite. J'avais apprécié ce titre alléchant et m'attelais à le finir, à finir le livre. Il était en train de lire et de lire et de lire jusqu'à ce qu'il s'est donc trouvé, hein, avec le 9e chapitre. Cependant, j'ai trouvé au début des sujets intéressants dans l'appel à l'unicité, hein, et dans ses méthodologies. Mais quand j'avais atteint le chapitre numéro 9, j'ai trouvé ce à quoi je ne m'attendais pas de la part de votre éminence, à savoir que vous détractez la personnalité de Hassan al-Banna, hein, sur qui tu avais déversé toute ta colère. Hein. Fin de citation, Cheikh Najmi dit, je dis, premièrement, Allah qui connaît l'invisible comme le visible c'est que je ne veux pas, hein, que je ne veux attaquer l'honneur de personne, ni Hassan al-Banna, ni un autre. Et je sais que les droits seront rendus le jour du jugement, en bonne et en mauvaise action. D'accord? Le musulman, lorsqu'il propage une critique d'un savant, etc., hein, il fait ces choses parce que lui, il propage donc, une critique d'un savant. Et non pas que nous, on critique les gens sans preuve. Non, on critique les gens avec les preuves, avec les paroles de nos savants. Hein? Donc celui qui critique, il doit critiquer avec des preuves. D'accord? Ça c'est un. D'accord? Il a dit, premièrement, Allah sait que je ne veux attaquer l'honneur des personnes, etc. Très bien. Deuxièmement, vous savez que divulguer les mauvaises qualités de quelqu'un est chose permise s'il y a un intérêt et que c'est de la médisance permise. Comme en témoigne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Fatima bint Qais, lorsqu'elle était venue lui demander conseil de se marier, hein, Fatima bint Qais, ça c'est une sahabia, elle est venue demander l'orientation de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'elle doit épouser cet homme ou cet homme, hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna le conseil, nasiha, il lui dit, hein? Alors il dit, s'agissant de Muawiya, il ne ramasse pas d'argent, hein? Et s'agissant de Abu Jahm, c'est un homme qui frappe souvent les femmes, hein? Il lui a dit, il ne ramasse pas l'argent, les gens de science, ils ont interprété, ils ont dit, il frappe les femmes. Il y a une autre interprétation, ils ont dit, le bâton à l'épaule, qui n'a rien à safar, toujours il est à cheval, il est en train donc de voyager. Hein, c'est-à-dire toujours il est en train de voyager, donc ça ne convient pas à une femme qui veut se marier. D'accord, donc il lui a donné le conseil. Il n'a pas dit non, ça, je ne veux pas critiquer ces gens, etc. Il lui a donné le conseil. Celui-là, voici le défaut qu'il a. Celui-là, voici le défaut qu'il a. Toi, tu vas épouser un tel. Il lui a proposé un autre. Hein? S'agissant de Muawiya, il ne ramasse pas d'argent. Et s'agissant de Abu Jahm, c'est un homme qui frappe souvent les femmes. Cependant, marie-toi à Usama. Hein? Usama ibn Zayd. Hein? Radiallahu anhum ajma'in. Il lui a dit, marie-toi à Usama. Hein? Ça, c'est une première preuve où le messager, il a donné le conseil. Hein? Il n'a pas dit nous, on ne parle pas des gens, etc. Comme le disent ces Hizbi, ils confondent, ils mélangent. Ils mélangent quoi? Ils mélangent la médisance que le musulman doit délaisser, il ne doit pas la pratiquer, ça c'est un péché majeur. Hein? C'est-à-dire que toi, dans ton foyer, ou donc dans la rue, tu parles de quelqu'un, non pas pour un intérêt religieux. Parce qu'il y a un intérêt religieux, il y a des choses qui sont acceptées, elles sont en nombre de 6. Hein? Elles sont acceptées de la médisance. D'accord, elles sont exceptées de la médisance. Là, lorsqu'il y a un intérêt fondé religieusement, hein, donc tu parles. Mais là où il y a la médisance, vous vous rejoignez, vous parlez d'un tel sans qu'il y ait, sans que vous rentriez, hein, dans l'un de ces cas. Hein, tel que le cas ici du conseil. Le prophète du conseil, il a dit, non, tel homme, voici, c'est-à-dire ce qu'on lui reproche. Tel autre, voici ce qu'on lui reproche. Marie-toi à ce troisième que je te propose. Hein? Ça, c'est un conseil. D'accord? Lorsqu'il y a le cas du conseil, c'est bien. Quelqu'un, il vient te demander conseil, tu lui donnes le conseil. Parce que dans ton métier, toi, tu es savant. Dans ton métier, en médecine, ou bien dans une technologie quelconque, ou en mécanique, ou dans un commerce, toi, tu es connaisseur, tu ne vas pas dire, mais je vais blesser ces gens lorsque je vais dire que leur produit n'est pas bon, etc. Non, tu dois donner le nasiha al muslim. Hein? Un musulman, il vient te demander le conseil, tu vas dire, non, tel produit ne te sied pas, prends celui-là plutôt, il est un bon produit. Hein? Là, tu vas conseiller à ton frère. Très bien. Ça, c'est une preuve que lorsqu'on donne le conseil, ça ne rentre pas dans la médisance. D'accord? Et il avait consenti à la parole de Hind bint Utba. Ça, c'est une deuxième parole, hein, où il y a un cas, où il y a donc une nécessité, hein, et une utilité fondée religieusement de parler de quelqu'un. Hind bint Utba, radiallahu anha, elle a dit, Abu Sufyan est un homme avare, hein, est un homme avare, qui ne me donne pas l'argent qui me suffirait ainsi qu'à mes enfants. Hein, fin de citation. Elle a dit, Abu Sufyan, rajulun shihih, un homme avare, qui ne me donne pas assez d'argent, qui va me suffire moi et mes enfants. Dois-je prendre de son argent à son insu sans qu'il le sache? Le prophète ne lui a pas dit, non, ça c'est de la médisance, tu as dit que c'est avare, non, ça c'est de la médisance, changez-moi de ce sujet. Hein, il lui a dit, khodi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Walam yunkir anna yani bayyanat lahu halahu. Il n'a pas, le prophète, il ne s'est pas opposé, il dit, non, mais le terme que tu as dit, que tu as dit tout à l'heure, le terme shihih ou bakhil, avare, tu ne dois pas le répéter, attention, ça c'est de la médisance. Non, ça c'est mufseftin. Elle est venue demander le fatwa. Elle est venue demander le fatwa. Lorsqu'une femme, elle vient donc auprès d'un mufti, elle lui dit, voici mon mari, il fait telle et telle chose. Est-ce qu'on va dire non, ça c'est de l'riba, ça c'est de la médisance? Non, le musulman ne doit pas dire, donc ne va pas se comporter comme cela. Le musulman doit distinguer entre la médisance qui est un grand péché, nous mettons en garde contre la médisance, hein? Le fait que tu vas mentionner ton frère par une chose qu'il n'aime pas, sans raison. Vous êtes donc dans le café ou vous êtes dans une assemblée quelconque et vous allez dire un tel il est bakhil, ça y est on va, il est bakhil, donc là ça sera de la médisance. Mais ici il y a un intérêt religieux, cette femme elle est venue demander la fatwa, hein, parce que c'est parmi les cas où donc le riba elle est permise, comme a dit le cheikh l'allama al-Najmi tout à l'heure, il a dit et des cas où la médisance elle est permise, hein, et c'est parmi ces six cas, je vous mentionne ces deux vers, al-qadh laysa bi ribatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhiri wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkarin. Hein, donc là c'est un savant, il a réuni ces six cas où donc la médisance, entre parenthèses, elle est permise, hein, c'est ces six cas. Hein. Quels sont ces cas? Mutadhallim, quelqu'un qui est devant le juge, il va dire, tel homme il m'a frappé, etc. Vraiment cet homme, il est injuste. Est-ce qu'on va lui dire, non, tu es en train de le médire, tu as dit qu'il est injuste. Est-ce qu'on va dire, non, ça c'est de la médisance? Ces sectaires, ils confondent les gens par ça. Ils disent, ça c'est de la médisance. Non, ça c'est pas de la médisance. Hein? Celui qui est devant le juge, il expose ce qu'il a. Il va dire, voici ce qu'il m'a fait. Il a volé mon objet. Je lui ai donné telle chose, etc. Il va dire ce qu'il a. Mutadhallimin wa mu'arrifin. Lorsque toi, tu es en train de chercher quelqu'un dans une ville. Hein? Tu es allé dans une ville que tu ne connais pas cette ville, etc. Mais tu connais la personne, tu vas le décrire aux gens. Tu vas dire il est haut de taille ou bien il est plutôt de taille basse, hein, ou bien il est plutôt gros, ou bien il a telle couleur de la peau, hein, ou bien il marche ainsi, il boite, hein. Il est boiteux, araj, ou tawil, ou qasir. On ne va pas dire non, tu as fait de la médisance. Mu'arrifin, parce que toi, tu es en train de montrer la personne pour qu'on connaisse de qui il s'agit. Mu'arrifin, si tu vas utiliser ça juste pour cela, sans transgresser, attention, si on transgresse, on tombe dans le riba. Si sans nécessité, tu vas commencer à plaisanter, à rire et à dire des choses, attention. Mais tu vas dire, oui, rahimahullah, il fait, donc il boite. Ou bien il a telle taille, etc. On va décrire juste pour la nécessité, sans donc transgresser. Wa mu'arrifin wa muhadhirin. Si on est en train de mettre en garde contre quelqu'un qui vend de la drogue, hein, ou bien donc qui vend de l'alcool, ou qui incite à la corruption. Est-ce qu'on va dire, non, vous êtes en train de faire de la médisance. Hein, regardez ces hizbis, comment ils sont. Ils sont donc tordus. Hein, ils sont tordus vraiment. Muhadhirin, lorsque vous mettez en garde contre un danger pour le musulman, vous n'êtes pas dans le riba. Vous êtes plutôt dans le conseil. Ad-din an-nasiha. Ad-din an-nasiha, comme a dit notre messager, alayhi sallam. Wa muhadhirin, tu es en train de mettre en garde contre quelqu'un qui va donc faire du mal aux gens. Il ne va pas dire non, tu dois ustur alay. Lui, il va donc peut-être commettre une explosion, par exemple. Il y a des gens maintenant, ils peuvent faire des choses. Hein? Est-ce qu'on va dire non, tu ne dois pas donc le dénoncer? Il est sur le point de tuer des musulmans, on ne va pas le dénoncer. Hein? Bien, il a ce manhaj, vraiment, il est donc. Il y croit et il y tient. Toi, tu fais wajib nasiha lil muslimin. Toi, tu fais wajib nasiha lil muslimin. D'accord? Hein? Wa muhazirin wa mujahirin fisqan. Celui qui fait donc son fisq publiquement. Hein? Est-ce qu'on va dire, nous, lorsqu'on va parler de lui, il boit de l'alcool? Non, c'est de la médisance. Lui, il boit de l'alcool publiquement et il vient donc depuis donc, un point jusqu'à un autre. Mujahir fisqan. Ça y est, lui, il fait la chose ouvertement devant les gens, publiquement. Hein? Les gens en parlent, ils mettent en garde leurs enfants et les jeunes, ils les mettent en garde contre cet homme. Mujahir fisqan. Celui-là, il fait son fisq ouvertement. Ce n'est pas quelqu'un qui se cache. Ce n'est pas quelqu'un qui a cela au niveau de la maison. Ou bien, donc, il se cache, etc. Non, il fait la chose publiquement. Tu vois, tu as droit de mettre en garde les jeunes, etc. Et leur dire, méfiez-vous de tel homme, puisqu'il a tel comportement et telle conduite. عنده هاد السيرة وهاد السلوك وكذا. Très bien. ومجاهرين فسقاً ومستفسين. Hein? Comme tout à l'heure, lorsqu'on a dit que donc, cette sahabia, elle est venue demander la fatwa au messager, alayhi sallam. ومستفسين. Elle est venue demander la fatwa. Mustaftin talib al-fatwa. Il vient, il dit voilà ce que j'ai hein, avec mon frère, voilà ce que j'ai avec donc mon épouse, l'épouse aussi, voilà ce que j'ai à dire à propos de mon époux. Est-ce que je dois continuer ou non? Est-ce que je dois faire telle chose ou non? Mustaftin. Wa man talab al-i'anata fi izalati munkarin. Si quelqu'un il vient, il va vous dire là dans tel endroit, il y a un munkar. Il y a une chose vraiment blâmable. Je veux donc que vous m'aidiez. Hein? Vous allez lui dire quelle sorte de chose blâmable. Est-ce que lorsqu'il va commencer à vous décrire la situation, vous allez lui dire, non, vous êtes en train de faire le riba de ces gens. Non, ces gens ils sont en train de faire un munkar. Hein? Et lui, il est venu vous expliquer ce munkar pour qu'on le change. Pour qu'on le change. Donc là, c'est des abouab. Où le riba, elle est permise. Hein? Elle est permise. Et l'imam Nawawi, rahimahullah, il a expliqué cela. Il a expliqué cela. Hein? Donc, « وَمَنْ طَلَبَ الْإِعَانَةَ فِي إِزَالَةِ مُنْكَرٍ » Celui... مُنْكَرٍ, na'am. C'est-à-dire celui qui vient demander l'aide pour éradiquer une chose blâmable. Il y a un munkar dans une région. Lui, il vient vous dire, je demande votre soutien, etc. Vous allez lui dire de décrire qu'est-ce qu'il y a, hein? Qu'est-ce qu'il y a comme chose dans laquelle on peut aider, hein? S'il va commencer à parler de gens et ainsi de suite, hein, vous n'allez pas lui dire, non, ça c'est de la riba, hein, ça c'est de la médisance. Non, ça c'est des abwab, des chapitres où le musulman, il lui est permis, hein, de faire ce genre de riba parce qu'il y a une maslaha rajiha, parce que lorsqu'il va donc dire cela, hein, donc le bienfait, hein, il dépasse, c'est-à-dire cette riba. Très bien. Et le cheikh rahimahullah il a dit, hein, lorsque donc cette sahabiya radiyallahu anha elle avait dit qui est Hind bint Utba, elle avait dit Abu Sufyan est un homme avare qui ne me donne pas l'argent qui me suffirait ainsi qu'à mes enfants. Hein? Donc là, le prophète lui a répondu. Il n'a pas dit non, non, non, ça c'est le riba. Faites attention à ces preuves que le cheikh il cite, parce que c'est avec ces preuves que vous allez faire taire les Hizbi. Parce que les Hizbi, non, les riba, etc. Ils font comme si eux, ils sont des gens vraiment pieux. Alors qu'eux, ils ne respectent pas les savants. Ils dénigrent les savants et ils suivent des juhels, ils suivent des journalistes. Ils suivent des penseurs, ils suivent des gens, n'importe qui met un titre, docteur, etc. Ils vont le suivre aveuglément. Et ils dénigrent le grand savant. Ça, c'était le mufti sur le sud de l'Arabie Saoudite. Imaginez. Ahmed al-Najmi. Et maintenant, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Les gens doivent connaître leurs savants. Comment cette homme peut avancer si elle ne connaît pas ses savants? Comment si cette homme ne connaît pas les savants, mais elle connaît les ignorants? Regardez si on cite par exemple Mohamed Hassan. Beaucoup de gens le connaissent. Si on cite Houaini, si on cite l'Arifi. Mais peu de gens connaissent Najmi, rahimahullah. Peu de gens connaissent Cheikh Rabia. Peu de gens connaissent Mokbel Salafi. Ils le connaissent. Ils connaissent leurs savants. Hein? Nous tous, en tant que salafis, on doit connaître nos savants et on doit essayer de faire connaître les savants à nos frères et à la communauté. On doit essayer de propager leurs fatawa, leurs réponses, leurs livres, leurs audios et ainsi de suite, pour qu'ils soient connus. Hein, pour qu'ils soient connus. Donc là, troisième preuve que le cheikh lui cite, il dit... Et il, c'est-à-dire le messager alayhi sallam, et il dit de celui qui demanda la permission de le voir, quel mauvais frère de clan. Hein? Lorsque un homme était venu et il demanda de voir le messager alayhi sallam, hein? Il demanda la permission de s'asseoir avec lui et de le voir. Hein? Et le prophète alayhi sallam, il a dit, hein? Permettez-lui de rentrer. Mais, quel mauvais frère de clan, c'est-à-dire qu'il est mauvais. Est-ce qu'on va dire que le prophète hasha, يعني subhanallah insani la yastati an yaqul hadhihi al-kalima? Est-ce qu'on va dire donc que ça c'est de riba? Non. Hasha lillah, le messager il est en train de nous dire que lorsqu'il y a quelqu'un duquel on met en garde contre lui. Hein? On met en garde contre lui. Hein? Et donc, dans cette affaire, le prophète, lorsque cet homme, duquel le prophète a dit, lorsque cet homme, il était venu, le prophète, il a enlevé, c'est-à-dire son rida, c'est-à-dire ce qu'il portait sur les épaules comme rida, le burnous à peu près chez nous maintenant, rida. Ce que le khatib de Jumu'a il met sur ses épaules, basata lahu rida'a wa basata wa hassa fi wajhi wa takallama hatta mash. Aisha radiyallahu anha, Umm al-Mu'minin, As-Siddiqa bint As-Siddiq, Aisha Umm al-Mu'minin, la véridique, la fille du véridique qui est As-Siddiq Abu Bakr, lui a demandé, tu as dit que bi'sa akhu al-ashira, mais donc lorsqu'il était venu, tu l'as bien reçu. Hein? Comment on associe entre ces deux choses? Le prophète alayhi salam, il a dit, inna sharra an-nas man yuttaqa li fuhshihi. Par exemple, parfois, il y a quelqu'un qui est mauvais. Toi, tu vas, parce qu'il est mauvais, il peut dire des paroles, et il va donc peut-être même transgresser à l'égard de quelqu'un, etc. Toi, tu vas essayer... Donc de contourner cette situation, tu essayes que donc dans cette situation on ne veut pas donc rentrer en conflit avec lui, on va etc le calmer jusqu'à ce qu'il parte. Il ne faut pas dire que toi tu es un lâche ou bien donc que toi par exemple tu te contredis ou que cela c'est pas le comportement qu'il sied. Non, ça c'est le comportement qu'il sied. Et la preuve c'est que le messager alayhi salam, il a il nous a montré ce comportement. Hein? On met en garde contre lui. Firibati, hein? On met en garde contre lui. Mais lorsqu'il est là, on essaie donc de ne pas donc, rentrer en conflit face à une telle personne. Peut-être qu'il va prononcer de mauvaises paroles, peut-être qu'il va blesser quelqu'un. Alors que là, le messager est en train de nous enseigner, alors que le messager est capable donc de rentrer avec lui en conflit, il va donc bien sûr le gagner. Parce que c'est le messager, il est soutenu de la part d'Allah. Mais le messager est en train d'enseigner à nous. Nabi al-Salam, fi'luhu tashri', il est en train de montrer à la communauté comment on doit se comporter. Hein? D'accord? Très bien. Donc là, c'est trois hadiths que le cheikh il a cités déjà ici. D'accord? Hein? Troisièmement, le cheikh il a dit, troisièmement, vous savez que les gens du hadith avaient parlé des rapporteurs, rouat. Les gens du hadith, ils ont parlé des rouat. Ils ont dit, un tel, voici son statut dans le hadith. Un tel, voici son rang. Voici tel autre, qu'est-ce qu'il a, etc. Hein? Vous savez que les gens du hadith, al-muhaddithoun, rahimahumullah, avaient parlé des rapporteurs qui présentent ce qui oblige de rejeter leur version, hein, ou ce qui les rend faibles. Hein? Lorsque donc leur version doit être rejetée. Riwayatuhum yajib an turad. Ou anha tudha'af. D'accord? Hein? Ils avaient dit, les muhadithines, ils avaient dit, un tel est un grand menteur. Est-ce que les muhadithines étaient en train de faire le riba? Hein? Ils ont dit, les muhadithines, nos savants, les grands savants de la communauté. Hein? Bukhari, Muslim, Ibn Hibban, At-Tirmidhi, Ibn Majah, Nasa'i. Hein? Ces grands savants, qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire? Hein? Ils ont dit, un tel est un grand menteur, Fulan Kazab. Est-ce qu'on va dire al-Muhadith? Non, ça c'est de l'riba. Tu parles d'un tel, c'est de l'riba. Non, il dit, un tel, il est Kazab. Parce que ça, c'est une religion qui doit être sauvegardée. Hein? C'est une religion qui doit être sauvegardée comme cela. Elle ne doit pas, donc, pour faire plaisir à quelqu'un, on va nous taire sur son cas. Non, ça c'est une religion qui doit être sauvegardée. Faites attention, les autres religions, c'était falsifiées. Hein, cette religion, Allah subhanahu wa ta'ala, takaffala bihifdiha. Hein, takaffala bihifdiha. Donc nous, on doit déployer l'effort qui va dans ce sens de, c'est-à-dire de sa préservation. Très bien. Les muhadithines, ils ont dit, un tel est un grand menteur. Un tel pose beaucoup dans les hadiths. Fulan wadda'a. C'est-à-dire, Fulan, il invente le hadith. Il va vous dire, il y a un hadith ou il y a ceci et cela. J'ai entendu d'après un tel, telle parole. Wadda'a. Il va inventer le hadith. Ils ont dit, wadda'a. Ils n'ont pas dit, oui, il pose les hadiths, mais non, on va nous taire. On ne va pas tomber dans le riba. Non, ça, c'est une riba qui est wajiba. Ah, ça c'est une riba wajiba, obligatoire. Il est obligatoire de montrer cela. Hein? Quant à un tel, ils ont dit, quant à un tel, il rapporte de personnes fiables. Ce qui cependant ne relève pas de leur version. Un tel côtoie des gens qui sont fiables. Mais il nous rapporte des choses qui ne leur appartiennent pas, qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Donc là, les muhadithines par souci. Hein, de précision, ils ont dit un tel, oui, il côtoie des gens fiables, mais il nous apporte des versions qui se trouvent chez d'autres. D'accord? Un tel n'apprend pas bien par cœur. N'apprend pas bien court, par cœur. La yahfad jayidan, siyi ul hifd. Ils ont dit, les muhadithines, foulan siyi ul hifd. Il n'apprend pas bien par cœur. Est-ce qu'on va dire? On va dire, non, on ne va pas le blesser, on ne va pas dire il est siyi ul hifd. On va dire, jayid ul hifd. Vous dire des choses que le messager n'a pas dites. Hein? Et le prophète l'a dit, hein? Si un tel, parce que lui, il n'apprend pas bien, par exemple, alors que l'autre, il est savant, il n'a pas donc dénoncé cette chose. C'est le savant qui aura le péché, alors que l'autre, il a fait ce qu'il peut. Le savant, il a dit, non, il faut l'insigner, il heft. D'accord? Un tel commet beaucoup d'erreurs. Foulan yaghlat. Kathir yaghlat. Foulan se trompe. Foulan yaghlat. Un tel se trompe beaucoup. Un tel a de la négligence. Foulan yani muhmil. La yani yahtam. Foulan yahim wa yuhmil. A de la négligence. Ils avaient dit cela comme conseil pour Allah. Nusshan lillah. Al-Nasiha, il a dit lillah. Nasiha lillah. تمسك بكتابه أنت يعني تنصح لله أنك تتمسك بكتابه تتمسك بدينه ها دكور un conseil pour Allah son messager et les musulmans تنصح للرسول أنك تتمسك بسنته ها Lorsqu'il y a un hadith da'if, tu dis non, ça c'est un hadith da'if. Un tanasih le Nabi alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a un hadith da'if et toi tu vas dire, mais je vais blesser un tel qui l'a cité. Non, mais je vais le blesser. Non, laissons passer la pour que la séance reste agréable. Alors que tu as lu quelque part que ce hadith, des muhadithin, ils ont parlé à propos de ce hadith. Tel que le Cheikh Albani, ou le Cheikh Mokbel, ou le Cheikh Rabi, des muhadithin contemporains, ils ont parlé de ce hadith. Ils ont dit non, ce hadith il contient tel défaut. Hein? D'accord hein? Ils avaient fait cela hein, comme conseil pour Allah, son messager et les musulmans, ainsi que comme défense de la sunna du messager d'Allah, afin qu'il ne s'y infiltre pas ce qui n'en relève pas. D'accord hein? Au point qu'il était dit à l'un d'eux, regardez cette parole, il était dit à l'un d'eux, regardez ce qui a été dit jadis, c'est ce qu'il est dit maintenant. Ils ont dit à quelqu'un parmi ces muhadithin, ils ont dit, comment feras-tu si ces gens, c'est-à-dire ceux dont ils parlent et qu'ils critiquent, hein, c'est Rouet qu'il était en train de critiquer, comment feras-tu si ces gens viendront le jour de résurrection, hein, tous comme étant tes adversaires, ils vont venir, ils vont dire, il a dit, il a fait de la médisance envers moi, il a dit que je ne mémorise pas bien, il a dit que moi, j'invente du hadith, il a dit, mais c'était vraiment. Hein? Est-ce qu'on va dire que cet homme, hein, il sera châtié, il sera puni pour cela hein? Qu'est-ce qu'il a dit lui comme réponse hein? On lui a posé la question, comment feras-tu si donc ces gens hein, viendront le jour de résurrection tous comme étant tes adversaires? Il répondit alors, hein, si tous ces gens viendront comme étant mes adversaires, ceci m'est préférable que le messager sallallahu alayhi wa sallam soit mon adversaire le jour de résurrection. Il a dit, je préfère cette situation, que ces gens ils vont venir, ils ont dit, ceci, tu as parlé à propos de nous, tu as relevé tel et tel défaut chez nous, hein, que l'autre situation, où le messager il va venir, il va dire, toi tu n'as pas défendu ma sunna. Tu as connu des choses ces gens et tu as laissé leur hadith rentrer dans ma sunna. Et la communauté, elle a pris cela. Non, il a dit, hein, cela m'est préférable que le messager vienne comme adversaire à moi. Hein? Il a critiqué, par exemple, il y a des livres de Al-Majrouhin ou Al-Du'afa. Hein? D'accord? Al-Matroukin. Hein? Al-Majrouhin, c'est-à-dire les gens qui ont un jarh, ils sont critiqués. Hein? Al-Du'afa, les faibles. Al-Matroukin, les délaissés. On ne prend pas du hadith d'eux. Des a'imma de al-hadith, tels que al-Bukhari et al-Nasa'i, ils ont composé des livres de ce genre où ils ont critiqué chacun, par exemple, ils critiquent 500 personnes. Ils critiquent 500 personnes. Alors qu'un savant maintenant, il vient, il critique 10 personnes, 20 personnes, regardez 10 face à 500. 10 personnes, il dit tel et tel, je mets la umma en garde contre un tel parce qu'il a dit telle chose et telle chose et telle chose qui contredit la charia, qui détruit la charia. Hein? Il appelle aux manifestations, il veut que les musulmans s'entretuent comme des gens barbares dans la forêt. Hmm? Ils vont sortir comme si on était dans la forêt, on va nous entretuer pour que quelqu'un il va prendre le pouvoir. Hein? Comme dans la jungle. Non, l'islam, il nous a apporté un manhaj, une manière hein, de faire. D'accord? Donc là, hein, ces gens, ils ont critiqué 500 personnes. Al-Du'afa, ils ont dit ça, ce sont les faibles. Un livre qui contient les faibles. Al-Matroukin, les délaissés. Ces gens, on ne prend pas. Et il les a cités par leur nom. Il a cité par leur nom. Est-ce qu'on va dire à Al-Muhaddith, tel que Al-Nasa'i ou Al-Bukhari? Non, ça c'est de la médisance. Ça ne se dit pas. Hein? La même chose lorsque le savant, tel que Al-Albani, ou tel que Al-Fawzan, ou tel que Rabi', ou tel que Al-Najmi, ou tel que Al-Jami, il critique des gens qui veulent faire rentrer dans la religion ceux qui n'en font pas partie, on doit les critiquer. On ne doit pas nous taire et dire non, ces savants, ils parlent de ces prêcheurs, tels que l'Arifi ou tels qu'un autre. Ces savants, ils ne doivent pas agir comme ça. Est-ce que nous, on sait mieux que les savants? Non, subhanallah. Subhanallah. Yani, des jeunes, ils vont Ils sont mécontents, hein? Alors que ça, c'est une parole qui vient d'un grand savant, tel que Nejmi, tel que El-Fawzen, tel que Ibn Baz. Parce que Ibn Baz, il a dit que ces gens, ils doivent être arrêtés et leur ashrita, leur cassette doivent être, donc on doit voir qu'est-ce qu'il y a dans leur ashrita, etc. Et leur ashrita contient une menace sur le mujtama, sur la société. Ashrita de qui? De Al-Aouda et de Al-Qarni et de Safar Al-Hawali, les trois qui ont été cités. Et Cheikh Ibn Baz, il a signé. Hein? Cheikh Ibn Baz, il a dit, oui, ces gens, on a écouté, etc. On a trouvé que leur cassette contient donc un danger pour la société. Est-ce qu'on va dire que le mufti Am, le mufti qui est le plus grand de l'Arabie Saoudite, mufti Diyar, Saoudiyar, et qui est qualifié comme mufti Anam, Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah, est-ce qu'on va dire, non, ne devez pas parler de ces gens, ça c'est de la médisance, comme disent les Hizbis. Ce sont des gens qui sont malades. Wallah, ya ikhwa, donc là, même si je m'attarde un peu sur ces points, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qu'il va critiquer à Al-Banna, mais ça c'est parce que ce sont des choses par lesquelles il trompe beaucoup de gens. C'est pourquoi on est en train d'aller, hein, petit à petit, même si on n'a pas suffisamment détaillé. Parce que ces choses, hein, lorsque lui il a abrégé, il a cité trois hadiths, il y a des gens qui parlent de cela longuement. Ils vont dire quels sont les qawaid qu'il y a là. Quels sont les fondements, quelles sont les choses, hein? C'est-à-dire qu'ils vont nous montrer la voie de As-Salaf Saleh. Nous, on est censé choisir la voie de As-Salaf Saleh. Une chose qui relève de la voie de As-Salaf Saleh, on s'y accroche. Hein? On s'y accroche. Très bien. Il a dit, hein, rahimahullah, il a cité donc ce savant auquel on lui a posé la question si ces gens vont venir contre ses adversaires. Il a dit, mais je n'aimerais pas que le messager, hein, sallallahu alayhi wa sallam, vienne comme étant mon adversaire. Très bien. Le jour de résurrection. C'est pourquoi, dit l'imam Najmi, rahimahullah, c'est pourquoi les imams de hadith avaient parlé sans gêne des rapporteurs critiqués, qu'ils avaient considéré cela comme faisant partie de leurs meilleures œuvres, hein, qu'il convient d'épargner et d'en espérer la rétribution. Ils ont dit ça, cet effort, hein, j'espère la rétribution pour cet effort. D'accord? Quatrièmement, lui a dit, hein, quatrièmement, quatrième point, qu'il est en train de réfuter sa première parole. Quatrièmement, tu avais bien dit dans ton livre, toi-même, Ibn Jabrin, tu étais en train de dire la même chose. Tu étais en train de parler le même langage que nous. Toi, tu as dit dans ton livre intitulé Akhbarul Ahadi fil Hadith Nabawi. Ça, c'est un livre de Abdullah ibn Jibrin. Hein? Akhbarul Ahadi fil Hadith Nabawi. Tu as dit au chapitre 5, qui est intitulé Les efforts des savants de la Sunna pour protéger le Hadith. À la page 30, tu as dit, et le cheikh il l'a cité, il cite, Suivre les statuts des rapporteurs et rechercher quelle est leur place dans le hadith et leur habilité à le porter. Et ils se sont permis de parler d'eux afin de conseiller à la communauté, car ils procédaient à transmettre quelque chose relevant de la religion et ayant un jugement. Ça, c'est la parole d'Ibn Jabrin. Hein? Vous voyez ce qu'il était en train de dire? Hein? Et donc, j'explique cela pour qu'on nous, on n'est pas pressé, Inch'Allah. Hein? Il a dit, au cinquième chapitre, il a dit, suivre les statuts des rapporteurs. Tatabbu', hein? Ahwal ar-ruwat. Tatabbu' ahwal ar-ruwat. Suivre les statuts des rapporteurs. Et rechercher quelle est leur place dans le hadith. On doit connaître quelle est sa place dans le hadith. Est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il est faible? Hein? Quelle est sa place dans le hadith? Et connaître quelle est sa place dans le hadith. Et leur habilité, est-ce qu'il est habilité ou non? Est-ce qu'il est apte ou non à porter le hadith? Est-ce qu'il est habilité à le porter? Yani, hal huwa, yani, ahlun li an yatahammal al hadith. Est-ce qu'il est habilité dans sa taqwa? Est-ce qu'il est habilité dans son hifd? Hein? D'accord? Est-ce qu'il est habilité à le porter? Et ils se sont permis de parler d'eux afin de conseiller à la communauté. Hein? C'est ce que Cheikh Najmi était en train de faire dans le Mourid Al-Zoulel. Il était en train de conseiller à la communauté. Hein? Et Cheikh Ben Zubrin, il continue, il dit, ils avaient accepté cela du domaine de la médisance. Cela sort du domaine de la médisance. Et ils avaient accepté cela du domaine de la médisance. Cela ne rentre pas dans le domaine de la médisance. Hein? Pour ce qu'il a comme intérêt général à la communauté. Fin de citation. Parce que cela contient un intérêt général à la communauté. Ils vont dire tel raoui, etc. Il pose le hadith, il est waddah. Tel autre raoui, il est kazab. Tel autre, il est mubtadi'. Tel autre, il a tel défaut. Yehim. Hein, il oublie. Il oublie. Un jour, il nous raconte comme ça. L'autre jour, il nous raconte une autre chose. Hein? Il oublie. Yehim. Hein? D'accord. Fin de la citation. Il a dit le Cheikh Najmi, rahimahullah, qui était un muhaddith. Cheikh Najmi, c'est un muhaddith. Muhaddithun faqih. Hein? Et ceci, dit Cheikh Najmi, et ceci est l'avis de tous les gens de science. هذا رأي جميع أهل العلم يعني أهل السنة et ceci est l'avis de tous les gens de science parmi les jurisconsultes من الفقهاء ou les gens du hadith والمحدثين رحمهم الله qu'Allah les récompense et tu verras dans ce qui va suivre hein, que je n'avais parlé de Hassan al-Banna et de son parti que pour dispenser le conseil à la communauté hein? Ces gens ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il va taire cela? Est-ce qu'il va taire cela, ce qu'il a connu, alors que ce qu'on va voir, c'est grave. Hein? Dire que c'est grave, hein? Peut-être que c'est insuffisant. C'est grave. Des choses qui mènent direct à l'enfer. Wallah al-Azim. Des shirkiyat et des choses, etc. C'est pourquoi ce parti, c'est un fléau maintenant pour la communauté. Hada. Waba'un wa wabalun wa sharrun ala l'umma. D'accord, il a dit, rahimahullah, et je n'avais parlé de Hassan al-Banna et de son parti que pour dispenser le conseil à la communauté. Hein? Néanmoins, je ne prétends pas que je suis infaillible. Moi, je ne dis pas que je suis infaillible. Je pose les choses, je mets les paroles, je mets les références, je mets les choses. Je ne suis pas infaillible. Si tu trouves une erreur, mentionne-la. Hein? Je ne dis pas que je suis infaillible et Allah connaît ce que nous déguisons et ce que nous montrons. Allah ya'lam, yani, ma nukhfi wa ma nu'lin. Car rien ne lui échappe. Rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala sur terre ni dans le ciel. Cinquièmement, réfléchis avec moi sur ce qui me pousserait à parler d'un homme qui était décédé alors que j'étais en âge d'enfance. Pourquoi est-ce qu'il va parler de quelqu'un qui était ancien? Qui n'est pas donc il ne l'a pas contacté, hein? Il était mort avant que lui, donc comme il va nous dire, qui était né, Najmi, il était né alors que lui il était peut-être même déjà décédé, hein? À parler d'un homme qui était décédé alors que j'étais en âge d'enfance, hein? Il était encore enfant et maintenant il est décédé. Il n'y a pas eu de contact entre eux. Il était un enfant en Arabie Saoudite, l'autre était en Égypte. L'autre, il était en train de former un parti et faire, c'est-à-dire cela, cette hezbiya, il était en train de faire cette hezbiya. Et Cheikh Najmi, c'est encore un enfant en Arabie Saoudite. Pourquoi est-ce qu'il, lorsqu'il va grandir, il va en parler? Ils n'ont pas donc un conflit terrestre de la dunya, une chose mondaine, sur laquelle il va donc vraiment par la suite, il va en parler. Hein? Il a dit, réfléchis avec moi sur ce qui me pousserait à parler d'un homme qui était décédé alors que j'étais en âge d'enfance. Hein? Il n'avait pas versé le sang de l'un de mes proches, ni ne m'avait déshonoré, ni ne m'avait pris de l'argent. Qu'est-ce qui me porterait à en parler alors qu'il ne m'avait pas, fait un tort? Il n'avait pas fait un tort à moi. Hein? D'accord? Une injustice, c'est-à-dire mondaine. Hein? À moi en particulier. Si j'en parle. Hein? Si j'en parle donc, sans me venger d'un abus précédent, hein, de sa part, ni pour un intérêt religieux, je serai donc un transgresseur abusif. S'il n'y a pas une chose de la dunya, ni une chose de la religion, et je suis en train de parler de lui, je suis un transgresseur, un zalim, hein? Un transgresseur abusif. Et Allah prendrait son droit, hein, de moi et le lui rendrait. Hein? Si je serais un transgresseur. Sixièmement, Parce que le cheikh, il détaille les choses. Maintenant, il est en train de décortiquer la chose et de la résumer. Sixièmement, nous avons été éprouvés, hein, à notre époque, par des méthodologies de prédication provenant de l'extérieur de notre pays. Hein, parce qu'en Arabie Saoudite, il n'y avait pas autre chose qu'Al-Manhaj Salafi. Il y avait Al-Manhaj Salafi. Et à une certaine période, lorsqu'ils ont été persécutés en Égypte, ils ont fui vers l'Arabie. Et donc l'Arabie les a reçus, les a acceptés. L'Arabie, le roi donc d'Arabie Saoudite à l'époque, il a dit ces gens, puisqu'il y a des instituteurs, il y a donc des talabas, il y a des gens, etc. Ils ont été persécutés par leur roi en Égypte, hein, parce que donc ce parti de frères musulmans, il a suscité des troubles là-bas. Il a été harcelé et persécuté. Donc là, harcelé de son pays, il a dit, nous on les reçoit. Comme maintenant l'Arabie Saoudite a reçu des lagiïnes, des réfugiés syriens. Hein? Il y a des camps donc des réfugiés. Et il y a des gens qui sont rentrés même dans le pays, sont en train d'étudier, etc. Hein? D'accord? Elle a reçu ces gens. Et donc le roi, il a dit, on reçoit ces gens. Et peut-être avec le temps, ils vont apprendre chez nous, puisqu'il y a des sciences, les savants, etc. Ils vont apprendre, ils vont suivre notre méthodologie. Mais ces gens, ils avaient une méthodologie qu'ils vont commencer à propager. Les troubles qu'ils ont suscités en Égypte, ils veulent donc refaire, récidiver, comme un criminel. Hein? Donc il fait une période en prison, lorsqu'il sort, il va récidiver. Il va faire le même crime, il va retourner en prison. C'est ce qu'ils ont fait, les Ikhwan. Ils ont fait donc des troubles en Égypte. Ils sont partis en Arabie Saoudite. Le roi, il les a reçus. Ils ont commencé à propager. Maintenant, ils ont propagé leur manhaj. Ils sont parvenus à des postes, et ainsi de suite. Hein? Dans l'État, et donc des postes dans l'enseignement, les différents secteurs. Hein? Mais, Inch'Allah ta'ala, yani Allah subhanahu wa ta'ala, يعني ينصر منهج أهل السنة والجماعة. دونك الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لأهل السنة والجماعة القضاء على هذه يعني الطائفة. باسكو سي ان بارتي كي كلاسي كوم ايتون ان بارتي تيرورست مانتونو. والحمد لله. سي ان بارتي تيرورست. دونك لا لو شيخ إلا دي سيزيامون. Nous avons été éprouvés à notre époque. Cela est. C'est quelque chose qui est venu maintenant. Est-ce que notre Ummah, avant quelqu'un. Qu'il y ait l'Ikhwan Muslimin, elle était dans l'égarement. Hein? Avant qu'il y ait l'Ikhwan Muslimin. Est-ce que notre communauté, lorsqu'il y avait Abu Bakr et Omar, et lorsqu'il y avait, après, il y avait les Tabi'un, et Tabi'u Tabi'in, et l'âge d'or de l'islam, et lorsque l'État islamique était très étendu, est-ce que ces gens étaient dans l'égarement? Lorsqu'il y avait des savants, même dans une ville, il y avait beaucoup de savants, des centaines et des centaines de savants. Hein? Est-ce que cette communauté était dans l'égarement jusqu'à ce que le Hassan Benna il va venir s'asseoir dans les cafés et théoriser, etc., et sortir des brochures, etc., hein? Il va composer donc un parti politique, il va l'appeler l'Ikhwan Muslimun. Hein? La communauté n'était pas dans l'égarement. La communauté, elle a un tarikh, elle a une histoire, elle a un najd, elle a c'est-à-dire des exploits, l'Ummah Islamiyya. Elle a des exploits, l'Umma islamiyya. Ce n'est pas une communauté quelqu'un de sectaire, il va couper la Umma de son passé. Voilà ce que je vous dis. La urikum illa ma ara, comme a dit Fir'aoun. Fir'aoun, la'anahullah, a dit la urikum illa ma ara, ce que moi je vois. Non, nous, on a un tarikh. On a le prophète, alayhi salatu wassalam, et ses compagnons. Hein, et ses compagnons. Qu'est-ce qu'il a dit, le cheikh? Il a dit, sixièmement, nous avons été éprouvés à notre époque par des méthodologies de prédication provenant de l'extérieur de notre pays. Les Saoudiens ne connaissaient pas ces manahij. Il n'y avait pas cela, ces parties et ces choses que vous voyez dans les différents pays, tels que le Maroc, l'Égypte, et ainsi de suite. Hein? Même jusqu'à maintenant, il n'y a pas des parties. Il n'y a pas des parties. Mais maintenant, en Arabie Saoudite, il y a des gens qui ont ces afkar. Mashbouha, ces idées douteuses, ces idées où il y a donc des choses qu'ils manigancent dans le secret. Ils ne sont pas en train de dire comme ils se sont fait appeler Al-Ikhwan Muslimun. Hein? Ils ne sont pas en train de dire les choses publiquement aux gens, etc. Ce que font les salafis, ce qu'on dit en cachette, on le dit en public. Hein? Nous, on est avec le jama'a, avec le jama'a des musulmans. Hein, on dit les choses publiquement. Alors que eux, ils ont un discours hein, devant les gens et ils ont un discours en secret. C'est pourquoi ils ont quelque chose qui s'appelle al-janah al-sirri. Hein, à l'époque de Hassan Benna, il y avait al-janah al-sirri. Tout un donc un aspect militaire et secret, etc. Et qui va commencer à faire des attentats. Hein, et qui va donc se développer jusqu'à ce que vous voyez maintenant le Qaïda, hein, Qaïda, hein, et donc les jusqu'à arriver à Daesh et Nusra et ces choses. Cela est sorti de Hizb al-Ikhwan al-Muslimoun. Wallahi, wa billahi wa tallahi. Cela est sorti de l'Ikhwan al-Muslimoun. C'est l'Ikhwan al-Muslimoun qui ont donné cette pensée et qui ont donné ces mouvements. Hein. Cela n'a aucun rapport avec As-Salaf al-Salih. Et cela n'a aucun rapport avec Salafiyun et avec Da'wa Salafiyya al-Mubaraka. Parce que Da'wa Salafiyya al-Mubaraka, elle est wadiha. Elle n'a pas beaucoup de manabir, elle n'a pas beaucoup de médias, elle n'a pas beaucoup de choses. Mais elle a quoi? Elle a al-haq. Hein? Chacun, il propage al-haq autant qu'il peut. Hein? Autant qu'il peut. Il le propage sans ajout ni diminution. Il n'ajoute rien, il ne retranche rien. Il dit les choses telles qu'elles sont. Et manhaj salaf salih, alhamdoulilah, il s'est propagé dans le monde. Al manhaj salafi, il s'est propagé dans le monde. Et il gêne maintenant les gens. Ils disent pourquoi eux, ils n'ont pas une qanat fada'iyya. Ils n'ont pas une chaîne parabolique. Ils n'ont pas beaucoup de sites. Ils n'ont pas beaucoup de choses. Et leur manhaj, il est propagé. Alors que nous, on a l'i'lam. On a les kuffars avec nous. On a des choses et on n'arrive pas au pouvoir. Ils ont les kuffars avec eux. Les États-Unis, ils ont dit, nous, on est d'accord avec les Ikhwan pour qu'ils gouvernent en Égypte. Mais avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont été écartés du pouvoir, walhamdoulillah. Hein? Ils ont été écartés du pouvoir. Ils ont même les kuffars avec eux. Mais, donc, alhamdoulillah. Hein? Comme on va voir, lorsque vous allez voir les fondements de ce parti, vous allez voir pourquoi on les critique. Le cheikh, il a dit, ces choses viennent de l'extérieur. Nous, on ne connaissait pas cela. Est-ce qu'on était dans l'égarement avant que ce parti nous rentre lorsqu'il était persécuté par leur roi, hein? Est-ce que nous, on était dans l'égarement, hein? Il a dit, nous avons été éprouvés à notre époque par des méthodologies de prédication provenant de l'extérieur de notre pays qui ferment l'œil sur le polythéisme majeur. Allahu Akbar. Hein? Qui ferment l'œil sur le polythéisme majeur. Le prédicateur, Ikhwani, il voit le polythéisme, il va te dire, non, c'est pas grave. Qui ferme l'œil sur le politisme majeur. Al-Shirk al-Akbar, il va dire, non, c'est pas grave. Ce qui est plus important, c'est le gouverneur. Hada musiba hadi. Il a dit, ça, c'est comme a dit Cheikh Rabi une fois, hafidhahullah ta'ala, il a dit, yani hada al-manahij al-hizbiyya, c'est-à-dire ces méthodologies, c'est-à-dire basées sur le sectarisme, qu'est-ce qu'elles veulent faire dans le musulman? Ils voient Al-Shirk al-Akbar. Comment on va voir dans cette risée-là? Lui-même, Hassan al-Banna, il voyait Cheikh al-Akbar et il se taisait. Pourquoi? Pour l'intérêt de la Hizbiya. Hein? Il voit Cheikh al-Akbar, ils veulent faire donc que le musulman, il voit Cheikh al-Akbar, il ne va pas le dénoncer, ni le critiquer, ni se révolter contre Cheikh al-Akbar. Parce qu'il va dire, non, le défaut, c'est dans le gouverneur. Hein? S'il y a un défaut dans le Ummah, c'est le gouverneur. Ça y est, un point et on revient à la ligne. Non. C'est pas comme ça qu'était la méthodologie des prophètes. Les prophètes n'ont pas donc anatémisé, n'ont pas indiqué par l'index. Ils n'ont pas dit, non, voilà, le gouverneur, attaquez-le. Non, les prophètes, alayhi salam, ils ont propagé la da'wa. Ils ont invité les gens à l'islam. « Qul hadihi sabili ad'u ila Allah. Tariquka ayyuha al-muslim. » Toi, tu appelles à Allah. Hein? Toi, tu appelles à Allah. Qu'est-ce que le cheikh il a dit, hein? Qui ferment, sont des méthodologies qui ferment l'œil sur le polythéisme majeur, qui négligent l'unicité, hein, qui ne donnent pas de l'importance à At-Tawhid. Tu leur dis donc il faut que la prédication soit basée sur Tawhid. Ils vont te dire non, on doit s'intéresser à la politique. Subhanallah, on doit propager At-Tawhid. Notre messager, il a appelé à Tawhid. Nuh, alayhi salam, il a appelé à Tawhid pendant 1000 ans, moins 50. Pendant près de 10 siècles, il était en train d'appeler à Tawhid. Ils vont te dire, non, nous, on doit nous intéresser à quoi? à Al-Hakim, hein, le gouverneur. Pourquoi? Hein? C'est parce que c'est eux qui veulent s'asseoir sur la chaise, ni plus ni moins. Ils veulent le fauteuil, ils veulent l'argent, ils veulent les postes, ils veulent le poste. Hein? Même si beaucoup de gens ils seront tués, lui il va s'asseoir sur le poste. Il veut le poste. Il est en train de parler de cela pour arriver, hein, au poste, donc au pouvoir. Donc qui ferme l'œil sur le polythéisme majeur, qui néglige l'unicité et accomplissent des adorations innovées. Si vous regardez les sectaires, les ikhwan, etc., est-ce qu'ils font les adorations sur la sunna, hein, comme les avait expliqué le prophète dans sa sunna? Regardez leurs ablutions, regardez leur prière. Vous allez trouver qu'ils sont en train de faire une prière, non pas sur la sunna, hein. Nabi Al-Sunni a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » Ça c'est un ordre. « Sallu kama ra'aytumuni usalli » On doit, hein, faire la prière comme le messager alayhi salam l'avait faite. Hein? Comme l'avait expliqué Cheikh Al-Albani dans ce livre. « Sifatu salati nabi sallallahu alayhi wa sallam min al-takbiri ila taslim ka annaka taraha » La description de la prière du messager alayhi salam, depuis le takbir jusqu'au taslim, comme si tu étais en train de la regarder et de la voir. Il l'a détaillé par les hadiths, etc. Est-ce qu'eux, ils s'intéressent à cette chose, hein? Eux, ils ne s'intéressent pas à cette chose. Même ils ont dit une parole monstrueuse, c'est Ikhwani, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ce que vous êtes en train de dire, c'est des kouchours, c'est des épluchures. Alors que nous, ils ont dit que nous, les sectaires, on s'intéresse à Al-Lubab. Nous, on s'intéresse, c'est-à-dire aux choses, c'est-à-dire Al-Lub. Hein? C'est-à-dire la chose, c'est-à-dire qui est dans le fond. Hein? Alors que vous êtes en train de s'intéresser à Al-Mas'a al-Khufayn, à Sifat Salat Nabi, à Al-Tawhid, à le décortiquer, à savoir quels sont ces aqsam, quel est le shirk, quelles sont ces branches, et ainsi de suite, pour les éviter. Non, ça, ils ont dit ça, c'est des éplussures. Nous, on s'intéresse à quoi? À Al-Hakim. Hein? À Al-Hakim. Ils ne vont, Inch'Allah, lan yuflihou. Lan yuflihou bi idnillahi al-wahid al-ahad. Ils ne vont parvenir à rien. Hein, inshallah ta'ala, hein, c'est yani yardallah kidahum fi nuhurihim, ils sont toujours en train de comploter pour susciter des troubles dans la umma. Qu'est-ce que le cheikh il a dit, qui ferme l'œil sur le polythéisme, regardez les mots, hein, et qui néglige l'unicité et accomplissent des adorations innovées. Et parmi ces méthodologies la plus répandue, hein, et qui est corrompue et corruptrice, est celle des frères musulmans. Parce que cette risale-là, elle est consacrée aux frères musulmans et à leurs fondateurs. Maintenant, elle va rentrer petit à petit dans le vif du sujet. Celle des frères musulmans. Elle procède à un lavage de cerveau des jeunes qui y grandissent. Celui qui va grandir avec les ikhwan, qu'est-ce qu'ils vont lui apprendre? L'anachid. Ils ne vont pas lui apprendre la purification. Hein? C'est-à-dire qui est dans At-Tawhid et la purification pour faire les ablutions. Al-Hissiya ou Al-Ma'nawiya. Non, ils ne vont pas lui apprendre la salat. Ils ne vont pas lui apprendre les choses avec les preuves. Ils vont lui apprendre l'anachid. Et ils vont, hein, c'est-à-dire organiser des matchs, ils vont organiser des sorties, ils vont organiser le mukhayyamat. C'est comme ça qu'ils font cette da'wah. Et parce que les nafs al-bashariyah, elles aiment les sorties, les matchs, ces choses. Et les anachides, les gens se reposent dans ce côté. Et ils regagnent ce parti, jusqu'à ce que ce parti, il va leur ordonner de se rebeller contre le gouverneur. Hein? De se rebeller contre le gouverneur. Qu'est-ce que le cheikh il a dit? Comment il les a décrits? Il procède à un lavage de cerveau des jeunes qui grandissent. Les millions ont des révoltés, mais ils en mettent, hein, dans l'esprit du jeune, qu'il doit se révolter, et que se révolter c'est bien, et que se révolter contre les gouverneurs, ça c'est at-taharrur, ça c'est la libération, et ça c'est la liberté, et ça tu es un être libre, hein, toi tu n'entends pas au gouverneur, la tasma' lahu wa la tuti', anta mutaharrir 'indahum. Non, le prophète alayhi salam nous a dit isma' wa ati'. Le prophète alayhi salam nous a dit entends et obéis. Même si un esclave va prendre le pouvoir, tu dois parce que lorsque tu vas faire cela, le groupe musulman va rester fort face à l'ennemi qui est les koufars. Maintenant, les koufars, regardez ce qu'ils ont fait en Syrie. La Russie, qu'est-ce qu'elle est venue faire en Syrie? Si la Syrie était un pays fort, une jama'a forte, est-ce qu'ils vont arriver à cela? La Russie ne va même pas penser venir se mêler de ces problèmes. Mais lorsqu'il y a la division, elle va rentrer pour qu'elle mange. Est-ce qu'ils vont participer là-bas juste pour des intérêts comme cela et revenir? Non, c'est pour manger et boire là-bas. Hein? C'est pour avoir une partie, c'est pour fortifier, renforcer leur intérêt là-bas, hein, en Syrie. Ils sont venus protéger le régime de Bachar, hein, qui est d'ailleurs un égaré, hein, très enfoncé dans l'égarement, hein, mais ils sont venus pour renforcer cela. Hein. Mais qui a été la cause de cela? C'est les prêcheurs qui ont dit « Allah, on m'a sorti, etc. contre Bachar ». Les gens, ils sont des civils, ils n'ont pas la force d'évincer ce gouverneur. Hein. Pourquoi est-ce que vous donnez cet ordre de quelle sorte? Et maintenant, ils ne veulent pas avouer qu'ils se sont trompés. Toujours, ils sont en train de se jouer. Qu'est-ce que le cheikh l'a dit? Elle procède à un lavage de cerveau des jeunes qui y grandissent. Les muons ont des révoltés, déclarant mécréants des musulmans. Ils déclarent des musulmans comme étant des mécréants. Chez les Ikhwan, qui est mécréant? C'est le gouverneur. Et qui d'autre? Les gens qui sont avec lui. Hein? Les gens qui vont soutenir, hein, cela. C'est-à-dire surtout l'armée, surtout la police, sa police, etc. Shortage. Qui d'autre? Les savants qui vont dire Isma wa ata'il amir. Hein? Les savants, jusqu'à ce que ces ikhwan, etc., ils tatawalu ala al-ulama. Voici la médisance réelle. Hein? Voici la médisance réelle. Hein? Voici la médisance réelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tatawalu ala al-ulama. Ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train, hein, donc de critiquer les savants, c'est-à-dire sans preuve. De critiquer Cheikh Ibn Baz, Cheikh Albani, de dire des choses. Hein, alors qu'ils n'avaient pas la possibilité de dire des choses devant eux. Par exemple, l'Arour, ou bien donc les autres, etc. L'Aouda, etc. L'Aouda, par exemple, Salman Ben Fahd l'Aouda, qui a été mis en prison pour ces cassettes et ces choses, ce qu'il y a dans ces ashrita, takfir al-mujtama, takfir al-nas, takfir injuste, c'est-à-dire le fait de prononcer le jugement que des musulmans sont kofars, alors que lui, il est en train de se tromper dans ce jugement. Un takfir injuste, il a été emprisonné. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? En public, il est en train de faire l'éloge de Ibn Baz, mais ceux qui étaient dans son parti avec l'Aoudé, ils ont dit qu'il était en train de faire dua pour que Ibn Baz meure. Des gens qui étaient avec l'Aoudé, ils ont dit qu'il était en train de faire. Des gens de son parti, ils ont dit, mais en réalité, donc il y a des shuhud, il y a des gens, hein, donc lorsqu'il était en train de faire dua contre Ibn Baz pour qu'il meure. Iyadan billah, subhanallah, alim. Si quelqu'un il connaît Ibn Baz, il ne va pas dire une telle parole. Hein, Ibn Baz, alim, fadil. C'est un noble savant. Ça, c'est de l'riba que de parler de lui en mal. Ça, c'est el-riba, ça, c'est la médisance. Hein, ça, c'est la médisance. Très bien, donc qu'est-ce qu'on a dit, hein? Les muons ont des révoltés, déclarant mécréants des musulmans. Hein, en des terroristes et des rebelles. Ils vont transformer les jeunes petit à petit en des terroristes. Le jeune, lorsque tu lui poses la question, hein, peut-être dans certaines régions, il va te dire que lui, il ne fait donc pas le bi'a al-hakim. Que lui, il ne croit pas que celui qui est dans son pays, c'est un hakim shar'i pour lui. Pourquoi ces idées? C'est à cause des idées de l'ikhwan. Alors que le musulman, si son gouverneur il est musulman, il lui donne le bi'a, il croit que le bi'a. Par exemple, dans notre pays, nous, on croit en le bi'a de Mohamed Sadi, c'est notre gouverneur. Hein? Dans les autres pays, c'est Bouteflika, et ainsi de suite, jusqu'à arriver en Égypte, en Arabie Saoudite, et dans les différents pays. sauf celui qui a mécru, celui qui a déclaré de la mécréance. Tel que le cas qui était de Al-Qaddafi et de Bachar. Ils ont déclaré la mécréance. Les savants, ils ont dit, ça c'est une mécréance. Hein? Ça c'est une mécréance. D'accord? Ça, ce sont des gens qui sont mécréants. Hein? Le musulman, il ne leur donne pas le bay'a. Il ne croit pas que c'est son hakim. Hein? C'est-à-dire qu'il doit lui donc obéir. C'est comme, donc, il va se comporter d'une manière sage, mais il ne croit pas en sa bay'a parce que lui, il est kafir. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ سَبِيلًا. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il n'enjoint pas hein, une bay'a pour les kuffars. Non, le musulman, il ne donne pas le bay'a à al-kafir. D'accord? Donc là, Cheikh Hafidahu Rahimahullah ta'ala, hein, il est en train de décortiquer ce fikr de Al-Ikhwan. D'accord? Jusqu'à ce qu'ils vont faire des jeunes, des terroristes et des rebelles. Hein? Les arguments témoignant de cela sont nombreux, dont les aveux de ceux ayant fomenté et commis des explosions à Al-Ulayya à Riyad. Des gens, ils ont commis des explosions à Riyad, en Arabie Saoudite. À Al-Ulayya, ils ont commis des choses à Al-Ulayya et Al-Khobar. Et donc, l'année dernière, vous avez vu, donc de vos yeux, vous avez vu cela. Même Medina, il voulait rentrer dans la mosquée du prophète et donc la faire sauter. Qabbahahullah. Hein? Subhanallah. Pourquoi cela? C'est à cause de ce fikr. C'est à cause de ce fikr. Le fikr de Daesh et de Al-Qaïda qui est sorti de Aba'at l'Ikhwan Muslimin. C'est-à-dire, il est sorti hein, du manteau de l'Ikhwan Muslimin. Le cheikh, juste, je termine ce paragraphe, il a dit, hein, quels sont ces gens qui ont commis cela? Abdelaziz al-Mu'attam et ses auxiliaires. Parce qu'il y avait des gens qui ont avoué, ils nous ont dit, oui, nous, on a fait ces choses, etc. etc. Qu'est-ce qu'a déclaré Bin Laden à l'époque? Il a dit, je suis fier de ces jeunes qui ont fait cela à Al-Ulayya et Al-Khubar. Hein? Je suis fier de ces gens qui ont fait ces choses qui tuent des musulmans. Hein? À Al-Ulayya et Al-Khubar. Comme si c'était à notre époque maintenant. Il va dire, je suis fier de celui qui voulait faire sauter la mosquée du messager, alayhi salatu wasalam. Hein? Regardez à quel point hein, vous pouvez dire que ça, c'est une chose inimaginable. Mais ça, c'est la réalité. Il a dit, il y a un tasjil ça aussi, où Abel Laden dit, « Wa ana ash'uru bil iftikhar » بهؤلاء الشباب الذين رفعوا الهوان عن جبين الأمة. Il y a un تسجيل صوتي qui a été diffusé بصوت بن لادن où il dit cette chose. Il a dit je sens que je suis fier de ces jeunes qui ont fait cela hein, parce que cela ça va faire avancer la Umma. عيادًا بالله. Donc là, nous on va nous arrêter ici. Ce sujet, il est important que le musulman le maîtrise, hein? C'est-à-dire de connaître la voie de Salaf Saleh et de connaître les voies qui ont contredit la voie de Salaf Saleh par les preuves, et non pas, c'est-à-dire hein, donc rester à écouter des choses hein, sans preuve, hein, jusqu'à ce que donc shubuhat etc. Il voit des choses dans les infos, il va recevoir une shubha sur le hukam, une shubha sur les états, hein, etc. Non, le musulman il doit être avec les musulmans. Hein? Non pas avec le groupe des frères musulmans. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.